Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 43. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à l'adresse suivante, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le réseau social gab.com qui offre l'avantage de ne pas pratiquer la censure. La censure va aller en s'intensifiant et c'est directement lié à l'actualité américaine. Donc je vous invite à prendre vos dispositions. De la même façon, n'hésitez pas à utiliser pour tout ce qui est tout ce qui regarde du contenu vidéo que vous souhaiteriez mettre en ligne, n'hésitez pas à recourir à des plateformes alternatives. Il en existe maintenant un certain nombre qu'on pourrait peut-être mettre en lien, qu'on a souvent cité sur Démocratie Participative. Bon, je vais peut-être pas le faire ici, mais voilà, n'hésitez pas à faire fonctionner des alternatives en ligne. Je vais en citer une. Bon, il y a BitChute qui est connue, pas nécessairement la meilleure techniquement, pas forcément la plus aboutie, mais elle est connue, donc BitChute.com. Sinon, il y a BitTube aussi, BitTube.tv, que vous pouvez utiliser. Sinon, LBRY.tv, me semble-t-il, que vous pouvez aussi utiliser. Voilà, enfin, il y a d'autres alternatives, n'hésitez pas, mais c'est important pour la suite. Espace de discussion aussi, Europe Écologie Les Brins, le forum, EELB.SU, n'hésitez pas à vous inscrire, EELB.SU, pour commenter à la fois les articles qui sont publiés sur Démocratie Participative, pour informer les participants d'une nouvelle, d'une information que vous pouvez poster, bien évidemment, et discuter de sujets divers. Je vais présenter maintenant les membres de la semaine qui me font le plaisir de participer. Je vais commencer avec Pierrot. Merci à toi Pierrot d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et aussi avec nous Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert, fidèle au poste. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et en avant Guingamp, hein, je ne le cite pas assez, mais en avant Guingamp, en avant les nègres. Est aussi avec nous cette semaine, bien évidemment, Sa Majesté, hein, Son Excellence, le Cardinal, qui va nous éclairer peut-être sur les mystères de la nouvelle foi qui se développe, somme toute. Salut, cher Cardinal. Salut Gandalf, salut les gars, salut à nos auditeurs, et j'espère que vous avez passé une excellente semaine de confinement déconfiné. Moi, je me suis régalé, voilà. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, effectivement. Enfin est avec nous Diabolix. Comment vas-tu, Diabolix? Je vais merveilleusement bien, que la sagesse du Führer vous éclaire. Alors avant de commencer l'émission, je voudrais remercier nos donateurs. Vous savez que vous pouvez nous soutenir, c'est grâce à vous que nous pouvons faire ce que nous faisons. Donc si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Pour cela, vous devez procéder en nous envoyant des crypto-monnaies, plus exactement des Monero, la crypto-monnaie de notre choix, celle qui garantit l'anonymat, du donateur comme du récipiendaire, hein, du don, ainsi que son montant. C'est très important, là encore, pour la suite. Donc, Monero, hein. Il y a un guide explicatif sur le site à droite, où vous pouvez y parvenir. Un certain nombre de nos donateurs ont comme ça apprivoisé ce système. Au bout d'un moment, on s'y fait très bien. Et c'est très utile, non seulement pour nous donner pour nous soutenir, mais aussi pour vous. Hein. Si vous devez déplacer des capitaux, petits ou grands, avec des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à utiliser ce moyen. Alors, premier don, bonjour, je reprends mes dons mensuels, environ 20 euros, à votre émission, après quelques mois d'absence. Veuillez m'en excuser, mais aucun problème, tout est bénévole. C'est une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir écouter vos émissions ainsi que de lire vos articles. Longue vie à vous et si Kyle, un vrai défenseur des droits de l'homme blanc. Il n'a pas de pseudonyme, mais il se reconnaîtra. Merci à lui pour son soutien. C'est encore une fois grâce à nos mécènes qu'on peut continuer. Don numéro 2, bonsoir Gandalf, ou bonjour. Je suis parvenu à faire un envoi de Monero, le site avait des soucis techniques, oui, il avait utilisé une application, oui. C'est pour cela. Alors, je vais en changer pour celui que vous m'avez conseillé. 1,4 Monero, cette fois-ci. À bientôt. C'est Salade de Fruits qui nous fait ce don, on le remercie. C'est un donateur régulier aussi de l'émission et du site. Don numéro 3. Très chers amis de Démocratie Participative, je viens de vous envoyer un modeste don de 30 euros ou 0,30 Monero. Ayant découvert votre émission il y a 2 ans, je tiens à vous remercier de m'avoir aidé à ouvrir encore un peu plus les yeux sur la réalité raciale et politique de la France. Vous m'avez aidé à prendre pleinement conscience du cloaque qu'est devenu ce pays. Et pour ça, je ne peux vous être qu'infiniment reconnaissant. Nous finirons par vaincre les forces de Sauron, j'en suis sûr. Sieg Heil, spécial KKK. Merci à toi, spécial KKK. Don numéro 4. Messieurs les démocrates participatifs, je vous ai envoyé un don de 0,25 Monero. J'espère que vous l'avez bien reçu. C'est en cours de vérification. Je vous remercie pour votre travail de réinformation. Je tenais à vous féliciter pour les images miniatures qui accompagnent vos articles. Elles sont toujours très bien choisies. Très cordialement, et c'est Oscar. Merci à toi, cher Oscar. Alors, messieurs, maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer cette émission, rentrer dans le vif du sujet, avec première rubrique, courrier des lecteurs. Alors voici le premier. Bonjour chers amis, laissez-moi vous raconter ce qu'il m'est arrivé en ce jour d'automne. Alors que je patientais à la caisse du supermarché, j'ai commencé à entendre du raffut. Pour que vous puissiez imaginer la scène, le supermarché en question est doté d'une petite galerie commerciale comme cela se fait beaucoup aujourd'hui, avec une pharmacie, une fleuriste, etc. Cette scène se passait donc juste devant la pharmacie, à l'intérieur de la galerie. Comme tout bon homo modernus, j'avais les yeux rivés sur mon smartphone. Je lève les yeux et là, à une dizaine de mètres de moi, un homme en étrangle un autre par derrière. Enfin, un homme. Nous parlons ici d'un genre de métis martiniquais, pas très grand, mais visiblement bagarreur. Je connais bien ce magasin et, Covid oblige, je vois la sécurité patrouiller constamment dans cette galerie. Étant assez éloigné et séparé de la scène par plusieurs personnes, je reste persuadé que je n'ai pas besoin de me déplacer puisque la sécurité allait rapidement intervenir. Eh bien non. Une dame, visiblement la femme de la victime, hurlait et essayait de les séparer. Quand tout à coup, quelqu'un part en courant vers la scène. À ce moment, la sécurité n'est visible nulle part dans la galerie. La logique dicte donc que cet homme qui court arrive pour porter secours à la victime. Eh bien non ! L'homme pousse violemment la dame qui tombe au sol. Je reste bouche bée. Ce qui ne se voit pas puisque je porte un masque. Visiblement, le second homme connaissait l'agresseur. Et plutôt que de séparer la victime, qui est pratiquement inconsciente à ce moment-là, l'agresseur vient aider, l'homme qui court vient aider l'agresseur. Impossible de vous donner son profil racial. Carteron, nègre des sables, quintessence libano-antillaise. La sécurité intervient finalement et sépare l'homme de l'animal. La victime est au sol et semble ne pas être consciente. derrière moi, d'où venait le Libano-Antillais, un groupe, trois autres gobelins hideux et hilars. Pendant que la sécurité intervenait, j'ai composé le 17 sur mon téléphone et expliqué la situation, puis décrit l'agresseur. Je ne plaisante pas, il s'est écoulé moins de temps entre le début de mon appel et l'arrivée de la gendarmerie qu'entre les premiers cris et l'arrivée de la sécurité du magasin. Lorsque je sors du magasin, une ambulance arrive à vive allure. J'échange quelques mots avec une dame de 60 ans sur le parking du magasin. « Vous avez vu l'agression, madame ?»« Oui, c'est terrible, j'ai toujours vécu ici, vous savez. » Échange de regards entendu. Pour conclure, je dirais que cet incident surréaliste m'a fait réfléchir aux dernières paroles de l'ogre Floyd Fentanyl. « I can't breathe !» Alors, messieurs, bon, c'est une anecdote hein, du vivre ensemble, finalement. La rubrique Faits divers est remplie de ce genre d'altercation, d'agression. Hein. Maintenant, c'est devenu totalement monnaie courante en France, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'aime quand même donner la parole à nos auditeurs, et c'est aussi pour ça que la rubrique témoignage est faite. Hein. C'est pour que ceux qui nous écoutent nous disent sans filtre ce qu'ils ont expérimenté, et avec leurs propres mots. Donc, même si... en soi, cette agression, comment dire, n'est pas... C'est banal. C'est assez banal. Il y a quand même deux, trois petits trucs que je trouve, dont le caractère mérite d'être relevé, notamment la dimension sanitaire. Vous savez, on est dans la paranoïa sanitaire, alors on va tous mourir, vous savez, alors il faut tous un masque et tout machin. Et en fait, t'as des types qui se font lyncher dans les galeries commerciales, il n'y a personne qui... C'est dystopique, je trouve ça intéressant quand même comme témoignage. Quelqu'un veut-il dire quelque chose là-dessus ? Ouais, je vais commencer si tu veux bien. Tu as parlé de vivre ensemble pour cette scène qui nous était décrite par notre auditeur. Effectivement, ça commence comme ça, c'est vivre ensemble. C'est, on vit ensemble dans le centre commercial, mais le vivre ensemble, il y a aussi le petit cadeau qui va avec, qui est mourir avec. Hein. Tu peux aussi... Oui. Ça marche comme ça. Alors, c'est vrai qu'en ces temps de terreur sanitaire où les gens ont peur de mourir, ils portent un masque, etc. Hein, que n'a-t-on pas pris des mesures préventives pour se prémunir des races criminogènes? Là, c'est il y a beaucoup moins de peur, de réflexes, de survie par rapport à ces races-là. Et troisième point, dans cette histoire-là, je n'ai entendu parler que de gens marrons et pas d'islam. Hein, encore une fois. Oui, il n'y a pas de dimension religieuse dans l'affaire, effectivement. Pas de dimension religieuse, il n'y a pas eu d'Allahu Akbar, il y a eu juste des gens marrons, de race indéterminée. Alors peut-être sont-ils croisés avec des blancs, mais bon, manifestement, le nègre, hein, l'animal a du mal à sortir, à rentrer dans la civilisation, il reste toujours dans la jungle, hein, c'est un petit peu dur de l'enlever. C'est intéressant, c'est une histoire de France du futur, des Libano-Antillais qui vaquent à leurs occupations dans ce territoire merveilleux qu'est la France. C'est sympa, bravo. Dans le cadre de cette intervention qui tient plus du vivre avec que du vivre ensemble, une petite réflexion. Déjà, l'État ne voulait plus que les gens sortent voilés ou avec des casques de moto. Maintenant, avec les masques, pour reconnaître les agresseurs, ça va commencer à devenir particulièrement sympathique. Mais, et j'en parlais avec notre ami Fulbert il y a quelque temps d'ici, moi, il y a une question qui me turlupine depuis quelque temps. En fait, avec ce putain de Covid et le confinement généralisé, les gens sont obligés de rester chez eux. Nous avons des entreprises qui font faillite à tire-larigot sans aucun problème, et des gens qui sont dans une détresse qui finit au niveau financier par devenir de plus en plus inquiétante. Ce qui va générer à un certain moment la nécessité de trouver du pognon par tous les moyens, Or, comme les gens sont confinés chez eux, les truands, les voleurs, toute cette merveilleuse race de boue extraordinaire qui se nourrit de rapines, de vols et autres saloperies, ne peut plus intervenir quand vous êtes au cinéma, au théâtre, au bal ou dans une réunion de famille. Vous êtes chez vous. C'est-à-dire que ces gens vont être obligés, de par le fait qu'il faut quand même qu'ils fassent leur chiffre d'affaires et leur turnover financier, ils vont être obligés d'aller au contact, c'est-à-dire dans des appartements dans lesquels se trouvent des gens qui ont un statut financier suffisant que pour avoir du cash. Je sens que dans les semaines et les mois à venir, on va assister à une augmentation de la truanderie qui va devenir sérieusement plus grave et plus meurtrière que ce que nous avions avant. Voilà, j'ai dit. Quelqu'un d'autre sur cette altercation, sur cette algarade empreinte de diversité? Pas particulièrement? D'accord. Bah si, on peut. Vas-y, Fulbert. Que... Oui, on peut pour étendre, allonger ce que vient d'exposer notre ami Diabolix. Oui, on risque des agressions chez soi, c'est vrai. Et en plus, on n'est pas protégé pour cela. L'État ne nous protège pas. Il suffit de regarder les faits divers relativement récents. D'abord, pour ce qui est récent, regardez lorsque quelqu'un quitte sa maison et que sa maison se fait squatter, regardez les difficultés que le propriétaire a pour retrouver son bien, d'une part. D'autre part, depuis longtemps, tout individu un petit peu sensé a compris que se défendre chez soi, vous avez généralement le dessous, parce que vous ne pouvez pas vous défendre n'importe comment, vous ne pouvez pas avoir un moyen de défense qui est supérieur au moyen de l'attaque, c'est bien connu. Qui plus est, ceux qui vous attaquent, ils vous attaquent toujours en vous prenant par surprise, ce qui est un élément supplémentaire pour que vous ayez le dessous. Donc, on dirait véritablement qu'il y a une organisation qui a été mise en place, qui est légale, en plus, avec l'immigration incontrôlée, il faut bien le reconnaître, qui arrive de plus en plus en profitant de la situation du coronavirus. Tout cela ne va pas s'arranger, hein, ça devient... Je pense que le message de Diabolix est excellent, finalement. Petite anecdote. J'ai vu tout à l'heure sur un réseau social qu'un type avait posté une instruction qui avait été délivrée le 31 août 1914, lorsque les troupes allemandes ont occupé une petite ville belge, et que le bourgmestre, donc le maire, avait émis une instruction à ses concitoyens, à ses administrés, pour leur dire tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ça tenait en quatre points, et étonnamment, c'est exactement ce que l'on nous impose aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Alors, peux-tu détailler ces quatre points ? Oui, mais il faut que... Oui. Dans les grandes lignes, hein, pas besoin d'être... Oui, mais je reprends l'image. Voilà. Les quatre points. Article 1er. Les cafés et les établissements publics seront fermés... seront fermés à 9h du soir. Article 2. Les habitants devront être rentrés à leur domicile à la même heure. Après 9h, sont interdits... Donc 9h du soir, hein. Sont interdits la circulation dans les rues et le stationnement sur les trottoirs et les seuils des portes. Article 3. Tout rassemblement dans les rues est interdit. Article 4. Pendant la nuit, une fenêtre au moins donnant sur la rue devra à chaque maison rester convenablement éclairée. En outre, les portes à rue ne pourront être fermées à clé. Braine-le-Comte, 31 août 1914, le bourgmestre Henri Neumann. Donc oui, donc une législation d'occupation, donc. Exactement, mais vous remarquerez qu'à part un détail, ou bon, éventuellement. Oui, à part la clé, quoi, en gros. La clé et le stationnement devant la porte. Quoi. Et la fenêtre éclairée. Hein, et la fenêtre oui. éclairée. En n'oubliant pas qu'en 1914, on n'appliquait pas un couvre-feu sur les lumières, puisqu'il n'y avait pas encore de bombardements aériens. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, cher Fulbert. C'était évocateur. Alors, deuxième courrier, on parlait un peu d'éducation nationale, puisque ça a apparemment beaucoup plu. Alors, bonjour à toute l'équipe de démocratie participative. Je vous écris ce courrier en pièce jointe de mon don, d'un tout petit don de 1 monero. Oui, c'est quand même très encourageant. Merci à lui. J'ai un peu galéré, mais à force de bidouiller, on réussit très bien. Alors, voilà pas mal de temps que je voulais vous le faire, donc ce courrier, notamment il y a plus d'un an, lors de votre article annonçant la prise de position du pape en faveur du mariage gay. Je m'étais dit que c'était le cas, que si c'était le cas, je vous financerais. Il faut bien rémunérer les vrais canaux d'information. Vous aviez eu raison trop tôt, et force est de constater que c'est le cas pour bon nombre de sujets. Étant également prof dans le Grand Est, je profite de ce courrier pour valider, alors là il met en lettres capitales, absolument tout ce que vous avez affirmé jusqu'ici sur l'éducation nationale. Que ce soit sur les articles ou dans l'émission, sur l'idéologie des profs gauchistes, sur l'angélisme de l'administration, sur les rectorats, sur le rôle de commissaire politique des inspecteurs académiques, ainsi que sur la fonction effective des recteurs d'académie, qui ne sont que des sous-préfets de l'administration de l'éducation nationale, et sur l'effondrement complet du niveau global. L'honnêteté m'oblige cependant à vous dire que le peu d'élèves juifs dont j'ai eu la charge d'instruction ont tous, sans exception, montré des aptitudes de compréhension, de conceptualisation et de réflexion peu communes. Hein, voilà. Cela doit sans doute venir du fait qu'ils aient conservé une culture du livre, culture qui est en passe d'être totalement détruite pour nos jeunes blancs bougnoulisés, ce qui est une tragédie. La vraie question est ici de savoir par quel processus on passe d'un enfant travailleur et intelligent à un adulte, race de vipères. Environnement culturel et familial, épigénétique, des révélations démoniaques lors de la bar mitzvah, la question reste ouverte. Dans le ministère, la bolchevisation n'est même plus sacrée, les personnels doivent repérer et signaler tout comportement qui sort des valeurs de la République, entre guillemets, et que les noms doivent remonter à la cellule valeurs de la République de chaque rectorat. Donc apparemment, y a une cellule. Oui, vous avez bien lu, chaque rectorat possède sa propre cellule valeurs de la République et même des référents radicalisation. C'est un secret de Polichinelle, les profs doivent fliquer les gosses. Les personnels de direction doivent fliquer les profs, mais dans la bienveillance, bien entendu. Une dernière information, sachez également que chaque rectorat possède un fonctionnaire dont l'unique fonction est d'éplucher la presse afin d'y trouver des articles parlant d'établissements et ou de personnel travaillant à l'éducation nationale, que ce soit en bien ou en mal, et de les archiver en vue de les réutiliser dans le cas échéant pour justifier une décision. Avancement, mutation, etc. Voilà. Il va sans dire que la mauvaise presse est le seul véritable moyen de pression sur la hiérarchie. Mais ça, c'est dans un monde où la presse n'est pas la caisse de résonance de la juiverie. Bref. Sachez que même si nous sommes encore très minoritaires, les conditions actuelles sont favorables à la droitisation d'un nombre croissant de profs. Les courriers que vous recevez sont là pour en attester. Nous veillons dans l'ombre à limiter la casse nihiliste post-moderne. Bravo pour votre travail, votre abnégation et votre courage. Nager à contre-courant sur des fleuves de crachats depuis autant de temps force le respect et l'admiration. L'histoire vous réhabilitera amicalement et c'est Volrage le déchu qui nous écrit. Alors, y a-t-il un point sur ce courrier que vous voudriez commenter ? C'est le point sur lequel on a insisté de plusieurs fois, hein, à chaque fois qu'on a des courriers des lecteurs, soit des profs, soit des étudiants, sur la police politique qui a lieu dans cette institution. Là, bon, il nous donne le poste spécifique qui est là à éplucher ce qui se dit dans la presse sur tel prof ou tel autre pour euh, pour éventuellement un jour venir lui casser du sucre sur le dos. Donc, c'est... Oui, bon, commissaire politique, enfin, typiquement. Voilà, celui-là c'est officiel, mais il y a sûrement les autres officieux qui bossent pour les syndicats et qui, bon, qui sont aussi payés par l'État, bien entendu, parce que hein, ceux-là ont des heures. Enfin, les représentants syndicaux ne bossent pas vraiment, quoi. Hein, ils bossent pour les syndicats. Hein. Peut-être sont-ce les mêmes, c'est possible. Mais oui, ce qui nous montre qu'on est vraiment dans un système bolchevique, parce que il n'y a qu'un système bolchevique qui paye des syndicalistes de gauche ou d'extrême gauche pour en fait faire un travail d'encadrement politique du ministère où ils exercent, enfin, je veux dire, ou de l'entreprise. Bref, Marine Le Pen a dit qu'on était victime de l'ultralibéralisme. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Faudra un jour quand même qu'on demande à Marine Le Pen quelle est sa définition de l'ultralibéralisme. Je serais quand même assez curieux d'entendre deux, trois mots de sa bouche. Je crois que c'est la liberté de ne pas vouloir peut-être faire nation avec des Maorés. Peut-être que c'est ça. La question est ouverte, de toute façon la présidentielle approche, donc elle va peut-être devoir en dire un petit peu plus sur toutes ces questions-là, mais oui, j'aimerais quand même qu'elle rentre plus dans les détails. Oui. Un petit moment de définition serait apprécié concernant l'ultralibéralisme. Concernant les valeurs de la République, ce serait apprécié également, puisque, bon, égalité, fraternité, d'accord, bon, liberté, bon, elle est sacrément mise à mal maintenant, mais bon. Oui, mais c'est ça que ça veut rien dire. Je suis d'accord. C'est quoi cet objet, quoi? Valeur de la République, ça commence où? Ça s'arrête où? C'est quoi, je veux dire? Alors, en fait, nous, on n'est pas assez. On n'a pas les compétences pour définir ce qu'elles sont. Il y a un truc en France qui s'appelle le Conseil constitutionnel, et c'est ça qui définit qu'est-ce que c'est, comment est comprise, qu'est-ce que c'est l'égalité bien comprise, la fraternité, la liberté. Hein. La liberté, il n'y en a pas trop. Par contre, l'égalité, quand il y a un nègre qui arrive, en fait, ce nègre, c'est toi. C'est même mieux que toi. Voilà. C'est les valeurs de la République, mais comprises. Enfin, c'est un reliquat du catholicisme, c'est la structure organisationnelle. Tu as des concepts qui se baladent comme ça, mais il faut qu'il y ait une autorité qui dise comment ça se passe. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui va dire à Cédric Herrou, ouais, c'est bien, va chercher tes nègres à la frontière italienne, ramène-les en France au nom de l'égalité. C'est marqué dans la déclaration des droits de l'homme. Oui. Donc, tu peux y aller, la loi dit que tu peux pas, mais la Constitution, la déclaration de Rome, charrer, c'est permis, tu vois, c'est bon, ça passe, voilà, c'est les valeurs de la République, c'est ça. Et c'est la fraternité aussi, c'est non seulement les gens qui viendront de nouveaux horizons, comme on dit, ce sont nos égaux, mais également nos frères, on est obligé d'être frères avec eux, il n'y a pas de choix d'ailleurs, par contre. Oui, donc la liberté, c'est pas quelque chose qui est très... Il n'y a pas tellement d'emphase hein, sur la liberté en France, j'ai remarqué ça. Hein, c'est... Alors... La fraternité, c'est surtout faire des nègres tes beaux-frères. Tu vois, si tu as une sœur, il faut que tu, hein, voilà, il faut que ta sœur elle fasse des petits Français libano-antillais. Hein, c'est la fraternité. Bon, je pense Il y a un philosophe, enfin un prof de philo, là, qui a fait une petite réflexion. Bon, c'est un petit peu peut-être superficiel ou un petit peu joué sur les mots, mais il a dit qu'il ne peut pas y avoir de valeur de la République, puisque les valeurs, ce sont des choses universelles partagées par tous les hommes, comme la justice, etc. Bon, normalement, chaque être humain est censé le ressentir cela ou l'éprouver, le reconnaître comme tel. Bon, ça reste à démontrer peut-être. Mais tout ça pour dire qu'il ne peut pas y avoir des valeurs qui soient propres à un groupe. Mais enfin bon, ce qu'on voit bien, oui, les valeurs de la République, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui déterminent ce que c'est, comme tu l'as dit, Eric. Donc, et si on n'est pas d'accord avec eux, de toute façon, on l'a dans l'os, quoi, puisque Vincent Payon, par exemple, ancien ministre de l'Éducation nationale, était contre, pas très anti-chrétien, d'origine juive, monsieur Payon. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de famille juive, etc. Et ça, là, il n'y a pas de problème, hein. On reconnaît le premier des monothéismes, pas le deuxième, mais voilà. Hein, donc, et il avait dit que on pouvait songer dans la République française à créer une nouvelle religion. Voilà. Donc, ces gens peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est tout. Les valeurs de la République sont définies par la Constitution aussi, normalement. C'est ça, le Conseil constitutionnel. Mais comme la Constitution a été écrite par Debré. Je crois que c'est un. Il y a des rabbins dans sa famille. Forcément, il y a une hiérarchie, on va dire. Ouais, non, mais c'est. Enfin, bon, c'est vrai que c'est très drôle parce que oui, donc. Il se réfère souvent à cette définition de valeur, bon, qui est une notion totalement subjective, mais comme vous le dites bien, il y a quand même une autorité qui s'appelle la Constitution, enfin le Conseil constitutionnel, qui est là pour, comment dirais-je, interpréter ces valeurs très abstraites et très subjectives pour les transformer en loi et en jurisprudence, avec des buts, pour le coup, très, très, très, très arrêtés, très clairs, très, très pratiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est surtout les valeurs que le pouvoir établi définit en fonction de ses intérêts. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Donc voilà, donc si les élites ont besoin d'immigration de masse pour X ou Y raison, les valeurs de la République commandent d'ouvrir les frontières. Voilà. Et puis, il en est ainsi pour tous les sujets. Mais on est vraiment, enfin c'est plus que du bourrage de crâne, hein, c'est du gavage d'oie, hein, je veux dire, tous les jours on nous parle de ce truc-là, mais encore une fois, sans avoir de définition claire, je veux dire, voilà, en tout cas, dans l'éducation nationale, donc il faut le savoir, donc je l'ai appris, je ne savais pas, je m'en doutais, enfin je savais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui existait, mais... Je ne savais pas que ça s'intitulait comme ça, donc il y a une cellule politique dans chaque rectorat en charge de la surveillance des personnels et notamment des professeurs pour s'assurer qu'ils, reprennent les slogans du régime et appliquent les consignes qui leur sont données. Voilà, bon, j'avais dit, hein, c'est le ministère soviétique par définition. Voilà. Nous en avons une. Confirmation, messieurs. Quelqu'un veut dire... Ouais. Ouais, laissez-moi vous lire le préambule de la Constitution de la Ve République très rapidement. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas à l'ordre public. Voilà. Donc moi déjà, quand je lis ça, j'ai 50 contre-exemples en tête. Donc en fait, effectivement, comme tu dis, Gandalf, il y a un truc rhétorique là, comme ça, assez vague, théorique, on va dire. Qui flotte, et après tout ça peut être modelé selon les intérêts des uns et des autres. Oh ben la Constitution française, enfin quand on commence déjà, si vous voulez, ils ont fait rentrer, et on sait très bien qui, faut pas y revenir, mais ce sont les Juifs, hein, qui ont fait entrer notamment Debray, qui ont fait rentrer dans le préambule l'antiracisme. Hein. Donc, le fait que la Ve République française était une république antiraciste, c'est-à-dire anti-blanche, c'est eux qui l'ont fait rentrer, hein, ce sont les Juifs. Hein. Donc, il faut dès lors comprendre que, si vous voulez, que les valeurs de la République, si vous voulez, sont des valeurs juives. Hein. Ça on peut déjà se mettre d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être très floues, mais on peut quand même déjà délimiter, je veux dire, communautairement, leur origine. Voilà, donc les valeurs de la République sont des valeurs juives. Ça, c'est à peu près clair. Maintenant, quand, comment, où, dans quelles circonstances, bon, je crois que ce débat va continuer, hein, puisqu'il est, on va en parler d'ailleurs tout de suite après, puisqu'il est vivement débattu dans certains pans de la société française, mais voilà. Bah, elles sont floues, puis elles sont même aussi contradictoires, parce que la seule limite, donc, comme je viens de lire l'extrait, apparemment, ce serait le trouble à l'ordre public. Donc effectivement, on peut se poser des questions, par exemple, est-ce que les débats philosophiques ou techniques relatifs à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, troublent l'ordre public? Moi, je crois pas. Mais c'est même contradictoire dans le sens où la loi Pleven, elle condamne aussi toutes les conversations, on va dire, estampillées racistes, qui sont privées, donc forcément qui ne peuvent pas troubler l'ordre public. Donc en fait, tout ça est une contradiction permanente. Tout à fait. Non mais, de toute façon c'est une aberration, je veux dire, par définition les confrontations d'ordre idéologique, philosophique ou religieuse suscitent la controverse et par définition suscitent des troubles dans la société, oui. Donc je veux dire, en plus, qui c'est qui nous pond ça? Ce sont des francs-maçons qui ont passé leur temps, enfin des francs-maçons et des juifs, mais... pour ne citer que les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des décennies avant la Révolution française, si ce n'est poser les bases du plus grand trouble à l'ordre public de l'histoire de France. Enfin bon, c'est grotesque. Donc bon, je veux dire. C'est d'autant plus grotesque maintenant avec, maintenant que la République est sous le signe de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que les caricatures, oui, c'est bien de dessiner des fions de Mahomet partout, et c'est nos valeurs, etc. Alors que ça, pour le coup, vu que la France est un pays quasiment musulman, ça trouble l'ordre public. Par contre, comme tu as dit, Pierrot, parler des chambres à gaz ou de la transformation des juifs en saucisses, parce que c'est ce que ces juifs disent, hein, on les a transformé la Shoah par saucisses. Parler de oui, ça. Oui, non, c'est authentique. Il y a des survivants qui disent vraiment ça. Hein. C'est voilà. Pas, oui. Rappeler ça. Ça peut valoir condamnation, mais ça ne trouble personne, à part quelques Hébreux planqués dans leur terrier. Mais le Charlie Hebdo trouble beaucoup plus l'ordre public que le révisionnisme historique, et pourtant, il y en a un qui est autorisé et qui est encouragé, et l'autre qui est sévèrement réprimé. Ouais. Férocement réprimé, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait juste. Oui, j'ai pas l'impression que les Français soient troublés par le fait que. Des discussions à caractère historique sur ce concept un peu flou de gazage de juifs, de 6 millions de juifs, je crois. Oui, avec de l'insecticide explosif, c'est très tout ça est très confus, tout ça est très confus. D'ailleurs, quand on pose des questions, voilà, parce que ce soit Robert Forisson et des dizaines et des centaines d'autres chercheurs sur cette question, Vincent Renoir plus récemment, qu'on pose des questions, s'il vous plaît, pouvez-nous vous montrer le fonctionnement de ce concept assez flou. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous montrer comment ça fonctionne, sur le terrain, montrez-nous pourquoi ne procéderons-nous pas à une reconstitution. Ça n'engendre que des hurlements de rabbins. C'est quand même... et on nous dit ça, c'est pas possible. Mais dans la société française, la société française ne me semble pas particulièrement troublée par ces questions, qui sont des questions de pur bon sens, d'ailleurs, c'est une question d'ordre scientifique. Alors qu'effectivement, pour ce qui concerne Charlie Hebdo, qui est là, un journal juif, on peut le dire, je suis pas particulièrement fan de l'islam, hein, mais... c'est pas pour autant que Charlie Hebdo n'est pas un journal juif. Bon, moi je vois Bernard-Henri Lévy, rappelez-vous, Bernard-Henri Lévy, hein, qui est un des parrains de Charlie Hebdo, qui dit « Il faut absolument reproduire toutes les caricatures du prophète dans les établissements scolaires de la France entière. » Il l'a dit, voilà. Donc, comme tu l'as bien dit, Derek, hein, compte tenu du public aujourd'hui de ces écoles, c'est un appel à troubler l'ordre public. C'est manifeste. Je vois pas comment interpréter la chose différemment. Alors, messieurs, en tout cas, merci pour ce courrier, hein, c'est très intéressant. Je vous propose de passer au sujet suivant, mais qui est connexe, puisque nous allons parler de cette jeune fille, Mila. Vous savez, vous connaissez Mila, hein, c'est une très jeune femme, hein, je ne connais pas son âge exactement, je pense que c'est une lycéenne, donc elle doit avoir 16 ans, 17 ans, qu'on a présentée comme étant lesbienne, mais bon, est-ce que c'est avéré ou pas? Je n'en sais strictement rien, en tout cas, elle a été présenté ainsi. Alors vous allez me dire pourquoi c'est important. Disons que c'est raccord avec une certaine tradition libertaire, notamment sexuellement. Et cette jeune femme a critiqué l'islam il y a de ça peut-être un an, sur TikTok, ou de toute façon sur une application ou un réseau social équivalent, dans lequel elle avait dit, et je crois qu'elle discutait, c'était une discussion avec quelques personnes en ligne, hein, et qui comportait un certain nombre de musulmans, et disait, de toute façon, votre religion, c'est de la merde, c'est une religion d'assassins, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait une histoire de doigt dans le cul d'Allah. Voilà, c'est ça, elle avait fait un doigt d'honneur, comme on dit, face caméra, en disant, votre religion, ou votre prophète, ou je ne sais plus, bref. Et donc, elle a depuis été l'objet de menaces de mort. Elle avait reçu un torrent de menaces de mort. Je crois qu'on parle de dizaines de milliers de menaces de mort qu'elle avait reçues à cette occasion-là. Je crois que cet été aussi, hein, il y a quelques mois, on en avait parlé. Elle avait été, lors d'un séjour à Malte, je crois, un séjour scolaire, elle avait été prise à partie de manière très, très virulente par un lycéen qui était un Français, hein, d'origine algérienne, et qui lui avait dit tout le bien qu'il pensait d'elle et la façon... lui a décrit plus ou moins rapidement le châtiment qu'elle subirait en tant que blasphématrice, qui est en islam la mort, hein, je me précise. Et alors elle est revenue à la charge dans une nouvelle vidéo dans laquelle elle dit en fait qu'elle maintient bien, hein, sa position. Parfois ça mérite d'être commenté, mais je vous propose de l'écouter tout de suite et on se retrouve. Parce que ces gens-là, alias les musulmans enragés, prenaient la paix, incitaient au suicide, menaçaient de mort. De commentaires TikTok, là c'est surtout l'islam va s'emparer du monde. Et tant de respect pour les croyants qui pratiquent leur religion en paix et dans le respect d'autrui. Malheureusement, il y en a tellement peu des personnes comme ça et c'est triste. Ouais, c'est triste. Et dernière chose, surveillez votre pote Allah s'il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul, je les ai toujours pas sortis. Alors, donc la jeune Mila, qui entre-temps, justement, est entrée, en fait, dans l'écurie Charlie Hebdo, puisque son avocat n'est autre que Richard Malka, lui-même d'origine juive, qui est l'avocat officiel de Charlie Hebdo. Et je crois que cette jeune fille est poussée à faire de la surenchère, en fait. Alors, je le dis tout de suite, hein, je suis pas soucieux du bien-être émotionnel des musulmans, mais je crois qu'il faut gratter un petit peu plus quand même. Mais avant ça, je vais donner là, simplement la parole à nos participants. Ils ont peut-être quelque chose à me dire. Je vais commencer avec Derek quand même. Derek, cette vidéo donc, est la deuxième du genre, un an après tout ce qui s'est passé. Donc, cette jeune fille est effectivement menacée de mort. J'insiste sur le fait qu'elle est jeune, elle est très jeune, donc par définition influençable, et qu'elle est visiblement sous influence, je crois qu'on peut quand même le dire. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Oui, effectivement, c'est une mineure, hein, qui est dans cette affaire-là, quoi. J'ai remarqué que cette jeune fille avait été prise en main, hein, si je puis dire, par des individus qu'on a pu connaître à droite à gauche, qui aimaient bien provoquer et se servir de personnes pour faire tourner leur propre boutique. Je ne sais pas si on peut être plus clair ou pas, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la droite occidentaliste, hein. C'est des individus bien identifiés. Je vois surtout la main d'Elisabeth Lévy derrière tout ça. Hein. Oui. C'est là qu'il faut voir le réseau auquel on a affaire. Donc, comme je l'ai dit, hein, il y a trois grandes forces sociologiques aujourd'hui en France. Il y a les petits blancs qui votent Le Pen parce qu'ils saturent face à l'immigration. Face à eux, on a l'immigration, les immigrés, les gens d'origine immigrée, qui représentent, je l'ai déjà dit, 15 millions, c'est en croissance, hein, mais environ 15 millions de personnes. Et puis, entre les deux, cette espèce de vaste marais, aujourd'hui incarné par Macron, mais qui conserve son antiracisme dogmatique, mais en même temps qui essaye de s'accrocher, à ce qu'ils définissent comme la République, hein, avec évidemment ceux qui se trouvent derrière. On a parlé des valeurs de la République, j'ai dit que c'était des valeurs juives. Bon, en gros, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des valeurs dissolvantes qui ont été conçues pour dissoudre la France traditionnelle, qui était blanche et catholique, donc pour la dissoudre, et pour n'avoir plus que des individus qui supposément se déterminent librement, mais qui en réalité sont placés sous l'influence de la grande presse et de l'oligarchie qui manipule ces individus totalement atomisés, qui n'ont plus, si vous voulez, un, un comment dirais-je, une communauté d'appartenance à laquelle s'identifier et grâce à laquelle ils peuvent être protégés. Donc, en fait, la République, c'est ça, c'est concasser les sociétés blanches pour en faire une espèce de briques et de brocs, d'étrangers, de métèques, d'homosexuels, de tout ce qu'on veut, mais qu'il n'y ait plus une force dominante, majoritaire, autochtone, clairement identifiée, c'est-à-dire blanche et hétérosexuelle. Voilà, ça c'était le cœur nucléaire de cette idéologie-là. Et je crois aujourd'hui que finalement, derrière Charlie Hebdo et le charlisme, nous avons des juifs qui cherchent à défendre le statu quo, à défendre leur république. D'ailleurs, les juifs prient à la synagogue pour la république, hein, c'est de notoriété publique. Hein. Et ils veulent défendre le statu quo. Et pour défendre le statu quo et l'idéologie dominante, ils utilisent des goïms. Alors, tantôt ils utilisent des goïms contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, donc les petits blancs un peu excédés face à l'immigration. Alors ça, en général, ce sont des beurs ou de toute façon des gens issus de l'immigration qui sont cooptés et qu'on lâche comme ça à la gorge des petits blancs. Ça c'est d'une part, ça c'est d'une. Voilà. Donc ils ont ces mecs-là sous leur coupe. Donc quand il y a une petite montée de colère parmi la population blanche, hop, on lâche les beurs cooptés. Et puis, quand c'est l'inverse, quand c'est les musulmans qui s'énervent, ah, là, on lâche des blancs, visiblement, pas que, mais souvent, qui soudainement ont le droit de, ou sont encouragés à s'en prendre avec virulence aux musulmans. Hein. Et je crois que c'est toute l'utilité de Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, ce n'est pas qu'un journal, en fait. C'est vraiment un réseau politique et d'agitation, qui est clairement entre les mains des juifs. Et je crois que malheureusement, cette jeune fille, qui risque effectivement d'être assassinée, sert vraiment de chair à canon au crochu. C'est évident, et c'est ça qui me rend, très malheureux, parce que cette jeune... Je veux dire, je juge pas ce qu'elle dit, quand elle dit, voilà, votre Dieu, machin, etc. Parce que si on raisonne purement en termes... Si on bascule dans ce type de discussion sur des abstractions à caractère religieux, on n'en sort pas. Il faut regarder qui utilise cette jeune fille. À quel moment? Contre qui? Quelles sont les intentions des gens qui la manipulent? Voyez? Là, ça devient plus intéressant, déjà. Moi, je pense qu'il y a des gens qui attendent qu'elle se fasse tuer je crois. Pour faire une rente financière d'une part et politique de l'autre. Oui, et c'est terrible, et c'est terrible. C'est l'utilisation des pigoïmes. Hein. En plus, bon, le mineur, quelque part, les caractéristiques de l'innocence. Donc, on se rappelle de Saint-Simon de Trente qui avait été sacrifié dans d'autres circonstances. Mais il y a des gens qui aiment voir des innocents sacrifiés. Pour, ma foi, des dessins bien troubles. Ouais. Et c'est pour ça, je vois beaucoup... Je crois que j'ai déjà dit ça, mais je vois beaucoup de gens sur Twitter, je crois que j'avais dit ça lors de la Fermilla, je vois beaucoup de gens, enfin, pas beaucoup de gens, mais des gens qui sont connus, des figures publiques. Je ne sais pas tout en tête, mais qui disent « Je suis Mila », etc. Donc, ils font des hashtags « Je suis Mila ». Bien. Mais ça, c'est sans intérêt. On s'en fout. Par exemple, je voyais Damien Rieux, je le cite parce que c'est le dernier que j'ai vu sur Twitter à ce sujet. Il dit « Je suis Mila ». Mais on s'en fout que Damien Rieux soit Mila. S'il veut montrer qu'il est vraiment solidaire avec cette jeune fille, qu'il insulte Allah sur Twitter, face caméra. Curieusement, il ne le fait pas. C'est étonnant quand même, je trouve ça surprenant. Donc, je vois tous ces mecs-là qui sont là, ouais, super, vas-y, formidable, etc. Mais tous prennent rigoureusement soin de ne pas faire ce qu'ils encouragent cette jeune fille à faire. Ça me trouble. Mais c'est surtout le fait que ces gens-là ont de la mémoire, ils se souviennent que les Gugus qui se sont fait dessouder chez Charlie étaient protégés par la police. Et que les policiers qui se sont interposés se sont fait buter sans aucun problème. Alors que notre chère Mila fasse dans la proctologie, c'est son problème. Maintenant, elle est en train de prendre des risques qui sont complètement démentiels pour des gens qui vont uniquement se faire du pognon sur son dos. Et comme disait le sage chinois, et je crois que notre chère Mila devrait s'en souvenir, l'homme qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Non, mais pour le coup, je crois vraiment que ce qu'il recherche, parce que c'est ça, quoi, je veux dire, il faut être sérieux. Dans tout ça, il n'y a rien qui va. D'abord, la lutte contre l'immigration, il faut la poser dans les bons termes. J'ai souvent dit ici que la question de l'islam permet de voir effectivement l'incompatibilité de l'immigration extra-européenne en France. C'est clair, c'est un symptôme. C'est un symptôme et il faut le pointer du doigt. Mais limiter la question à une dimension strictement religieuse et en réalité strictement anti-islamique, c'est louper une très grande partie de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire pourquoi il y a de l'immigration en premier lieu, qui la veut, pour quelles raisons, est-ce que c'est uniquement une immigration musulmane ou c'est une immigration qui vient du monde entier. On a parlé au début de l'émission d'une altercation dans une galerie. Il n'y a pas un musulman à l'horizon, hein. C'est une histoire avec des Antillais ou des métis, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas de dimension religieuse là-dedans. Bon, il faut voir plus large, j'ai envie de dire. Or, vous avez des gens qui ne veulent pas qu'on voit plus large, et notamment les charlistes radicalisés. Les charlistes radicalisés, eux, ne veulent surtout pas qu'on parle d'immigration, ce sont des antiracistes fanatiques. Ils veulent la société multiraciale, quelqu'un comme Caroline Fourest passe son temps à le dire, voilà. Elle veut de l'immigration de masse, elle veut une société multiraciale, voilà, mais elle ne veut pas du patriarcat islamique, bien. Mais le fond idéologique reste là, et ces charlistes radicalisés utilisent ce genre de gamine pour faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est-à-dire qu'elle fait le sale boulot. Elle fait le sale boulot. Et encore une fois, ceux qui se soucient vraiment de l'intégrité physique de cette jeune fille ne peuvent pas comme ça juste dire « Ouais, je suis mis là, voilà, truc. » Non, parce que cette gamine-là, plus elle est encadrée par des types comme ça qui la chauffent en disant « Ouais, ouais, t'as raison, vas-y, fonce et tout. » Mais attends, c'est pas une militante politique, cette jeune fille. D'accord ? Faut bien distinguer. Je veux dire qu'il y a un homme adulte qui est un militant et qui dit, voilà, moi je vais dire franchement aux musulmans ce que je pense d'eux, ce que je pense de leur religion. Ça, c'est une chose. Mais là, on parle d'une jeune fille qui est mineure, qui est influençable et influencée, et qui n'a grosso modo, qui est sous surveillance policière, c'est évident, mais qui est désormais totalement ciblée par les musulmans. Alors, d'encourager cette jeune fille à faire ce genre de choses, bon. Et puis, je vous rappelle, pour parler de courage, hein, que Damien Rieux, c'est le même mec qui s'est précipité au chevet de cette jeune fille qui avait été éborgnée par les flics de Castaner, qui s'appelait Fiorina, qui avait été éborgnée par les flics de Castaner lors d'une manifestation des Gilets jaunes, pour lui remettre un petit chèque symbolique de soutien. Bien. Et cette jeune fille qui s'était permis une originalité photographique sur une plage en posant en fait à côté d'une croix gammée dessinée dans le sable. D'ailleurs, elle faisait une prière, donc c'était probablement une prière bouddhiste. En tout cas, ça portait pas à conséquence. Une blague potache, de toute manière. C'était une blague potache, et de toute façon... C'est une jeune fille mineure... Bon, Ouais, qui n'engageait pas du tout Damien Rieux, ni le mouvement identitaire, ni personne. Je veux dire, voilà, c'est tout. Il avait porté assistance à une jeune fille, voilà, il dit, bon, voilà, il aurait juste à dire, je connaissais pas cette photo, etc., je sais pas. Mais avant même qu'on lui demande quoi que ce soit, il a effacé toutes ses photos, tous ses liens avec elle, etc. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est ces gens-là, quoi. C'est-à-dire que ah, il y a l'opportunité de faire une photo. Je pose à côté de toi, tu vois. Donc la jeune fille, elle a perdu un œil. La presse extrême, enfin, je crois que c'était Libération. Ah, mais quel faisant. Voilà, ils sortent une photo avec une croix gammée, etc. Il n'avait aucun lien avec ça. Il avait juste à dire, mais écoutez, moi, cette jeune fille, j'ai soutenue simplement par amitié, machin truc. Mais moi, je connaissais pas du tout cette photographie. Je la connais pas plus que ça. Non, il a préventivement, il a tout effacé, il a aucune explication. Enfin, dire, c'est ce genre de type. Bon, quand vous voyez ces mecs-là en train de dire je suis mis là, est-ce que vous croyez sincèrement que Damien Rieu va faire barrage de son corps pour éviter que cette femme-là se fasse décapiter? Jamais. Bon, voilà, bon, qu'on arrête un petit peu le théâtre. Donc, moi, quand je vois tous ces mecs-là qui sont en train de contribuer à ce climat, parce que les bougnoules sont des bougnoules, hein, les mecs ont 80 de QI, hein, d'accord, t'as insulté leur prophète, les types vont vouloir te décapiter, ça te plaît pas, c'est le même tarif. Hein, il y en a je sais pas combien en France, ils sont des millions, bon, tu leur fous ça sous le nez, ils vont chercher à te décapiter. Vous avez vu toutes les manifestations qu'il y a eu là? Au Pakistan, au Bangladesh, mais c'est des foules énormes. Mais je veux dire, c'est la patrie d'Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous croyez qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman? Que croyez-vous que sont les mots d'ordre qui sont actuellement en train d'être donnés? Je veux dire, faut pas croire que les musulmans, ils ont oublié ce genre de choses-là, d'accord? Donc on les a portés au point d'ébullition, ça y est, ils y sont. Il y en a 10 millions en France. Bon, et on est là en train de mettre en avant une petite jeune fille, une petite gamine de 16 ans. Vas-y, t'as raison, vas-y, bravo, hein. Non. Et bah, de la même manière que les juifs agitent Mila et agitent certaines personnes pour pouvoir finalement faire une sorte de conflit entre les goy, quoi, pour leurs intérêts particuliers sur un temps et une période. Et une situation géographique très précise. Peut-être que ces fameux musulmans qui grouillent au Moyen-Orient, qui sont en train de s'organiser contre les intérêts français, contre les Français en général, vont changer la donne de manière géopolitique, et que ces mêmes juifs, comme ils ont toujours fait avec les soldats américains, vont en fait trouver d'autres goyes porter les armes et puis régler leurs soucis, quoi. Voilà. Parce que, bien sûr, ils n'iront pas en première ligne. Ils préfèrent toujours envoyer des goyes à la guerre. Tout à fait. Donc voilà, sur cette affaire Mila, je veux dire, la première fois, c'était pas calculé, d'accord? Donc la jeune fille, elle avait dit ce qu'elle avait voulu dire sur Internet, d'accord? Bon, voilà. Là, maintenant, si vous voulez, on est en train de transformer cette jeune fille en militante politique, alors qu'elle est trop jeune pour ça. On lui conseille, on l'encourage à tenir un certain discours alors qu'elle est clairement en danger et qu'une jeune fille de 16 ans n'a pas à se mettre en danger de cette façon. C'est pas le rôle d'une femme d'abord et c'est pas le rôle d'une jeune fille ensuite de faire ça, je veux dire. Après, sur la religion en elle-même, l'islam, etc., c'est encore autre chose. Mais je vois les manipulations en jeu et je crois, moi je suis comme Derek, je crois vraiment qu'il y a des gens qui veulent la voir se faire tuer pour exploiter sa mort. Donc, C'est un business, hein, la petite Mila. En plus, mettons-nous un peu à la place de la gamine. Bon, pour l'instant, elle est sous protection policière, donc elle doit raconter à ses copines « Ouais, où que j'aille, j'ai des flics avec moi. » En oubliant que le flic, une rafale de calache, c'est fini, c'est terminé, c'est oublié. Donc la prochaine adresse de Miss Mila, ce sera probablement dans les bunkers atterrir au Père Lachaise. Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas du tout convaincu par cet exercice. Et contrairement à la première vidéo, celle-ci n'est pas du tout spontanée. Et à tel point d'ailleurs que Schiappa réagit en disant qu'il fallait la protéger, etc. Mais là, ça nous amène finalement à peut-être élargir un petit peu le sujet, c'est-à-dire, moi, j'ai quand même du mal à comprendre ça, enfin, j'ai pas de mal à comprendre, mais nos auditeurs doivent quand même se poser 2-3 questions sur le sujet, je veux dire. On a un gouvernement, le gouvernement Macron, hein, qui nous dit, voilà, il nous faut de l'immigration de masse. Et c'est pas qu'un discours, puisqu'ils ont accueilli cette année, je crois, on va à peu près 400 000 nouveaux immigrés, dont une grande partie de musulmans. Donc c'est la politique d'État de la France. La politique d'État de la France, c'est de faire venir chaque année des centaines de milliers de musulmans supplémentaires. Ça, c'est la politique de l'État français aujourd'hui. Donc d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et je vois Marlène Schiappa qui réagit en disant « Il faut protéger la jeune Mila ». qui est en prise en charge par Richard Malka et donc par les charlistes radicalisés, Bernard-Henri Lévy et d'autres, rajoute, enfin, devient, si vous voulez, un vecteur de provocation consciente des musulmans. Alors moi, il faut qu'on m'explique. On fait venir des musulmans en France, d'accord ? Donc le gouvernement les fait venir, et ensuite il dit, il faut laisser à une jeune fille comme Hila le droit de provoquer ces mêmes musulmans. Où est la cohérence, là ? Je comprends pas, là. Si vous voulez pas de musulmans qui se mettent à tuer absolument tout le monde dans les rues parce que vous avez dit je ne sais quoi sur leur religion, vous ne faites pas venir les musulmans en premier lieu. Donc à quoi sont-ils en train de jouer, là ? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Quel est ce théâtre, là ? C'est ces questions qu'il faut se poser, quoi. Pourquoi tout d'un coup on voit Marlène Schiappa, rentrer dans la danse ? Voilà, moi je me pose toutes ces questions. Je commencerai, si vous voulez, à donner du crédit à ce type de déclaration de la part de Schiappa quand le ministère de l'Intérieur déclarera qu'il arrête totalement l'immigration en provenance des pays musulmans. Là, je me dis, tiens, il y a un début de cohérence dans la politique qui est menée. Mais tant qu'on continue cette politique de remplacement de population en pompant des millions et des millions d'immigrés musulmans pour les installer en France, je ne peux pas accorder du crédit à ces déclarations-là, en disant, voilà, le droit à blasphémer, etc. Non, là, pour le coup, on revient à la discussion du début d'émission, là, c'est vraiment alimenter les troubles à l'ordre public. Là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, quoi. D'autant plus que pendant que l'on confine les Européens, Français entre autres, l'immigration ne cesse, elle, d'arriver. J'ai lu un article dans la presse belge qui disait, ou un responsable politique disait, qu'il fallait non pas fermer les frontières à l'occasion de la pandémie, et qu'au contraire, il fallait enregistrer, c'est un très beau mot pour dire régulariser, enregistrer les migrants qui se présentaient afin de pouvoir les contrôler et limiter la diffusion ou empêcher la diffusion de du virus dans la population. Ce qui m'a laissé penser qu'en fait, l'immigration pendant les crises de Covid, après les pointes de Covid, eh bien l'immigration est plus forte qu'à d'autres moments. C'est une hypothèse personnelle, mais je suis certain qu'elle est exacte. Bah, durant toute cette année, le rythme d'immigration, pour ce qui concerne la France, tu parlais de la Belgique, est resté le même. Donc, le premier confinement a eu lieu en mars. On a alterné. La France est de nouveau confinée, mais il y a eu des restrictions considérables. L'immigration est extrêmement forte. Donc, tu as totalement raison. Tu as totalement raison là-dessus. D'ailleurs, je vois qu'on nous dit qu'il faut encore accueillir je ne sais qui là en provenance de Libye ou je ne sais. Enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc là, en plus, là, c'est marrant parce que dans le discours officiel, là, il commence à s'emmêler les pinceaux parce qu'il nous explique qu'il faut effectivement confiner, qu'il faut clore les aéroports, qu'il faut, enfin bref, entraver au maximum la liberté de circulation. Et comme tu le dis très bien, on dit par ailleurs, on nous fait la retape encore maintenant, hein, dans la presse. Hein, on nous explique, voilà, SOS Méditerranée, formidable. Mais qu'est-ce qu'on attend pour accueillir plus de migrants de Libye ou de Grèce et aider cette formidable ONG à transporter davantage de migrants vers l'Europe? C'est complètement incohérent et les gens ne tiltent pas, quoi. Les gens ne tiltent pas. Oui, il y a une incohérence. Enfin, il y a une autre incohérence parmi tant d'autres, mais sur la question des prisons, là, au début du premier confinement, on avait dit on libère tant et tant de prisonniers parce que sinon le confinement pourrait avoir des effets négatifs sur la propagation du virus en prison, etc. Donc en fait, que ce soit des débats de type Charlie mettant en scène Imila ou pas d'ailleurs, ou que ce soit des débats sur le coronavirus, alors c'est la matière à chaque fois, le prétexte à justifier l'injustifiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison logique, mais vu qu'on est en plus en question de... On est en situation d'urgence, que ce soit urgent sur le plan terroriste, pour des questions terroristes, donc ça leur donne tous les droits. de l'état d'urgence. Et l'état d'urgence sanitaire, ça leur donne également davantage de droits aux gouvernants et à leur, comment dire, à leur sbire, hein, que ce soit la police, etc. Donc, bon, c'est vrai que nos libertés, on y revient, sont d'autant plus menacées, quoi, parce que... Je pense que tu as raison de souligner ce point-là. C'est pourquoi, outre le fait de promouvoir le statu quo idéologique en utilisant cette jeune fille pour dire voilà, on a le droit de blasphémer, etc., mais pour tenir un petit peu les musulmans en respect, il y a aussi, je crois, un certain appétit pour ce genre de troubles, parce que effectivement. Alors pas pour générer des troubles massifs, hein, mais je crois que le système, quand il y a un petit peu de tension comme ça avec des musulmans, il en a besoin quand même d'un tout petit peu pour justifier effectivement le déploiement de toute une série de mesures de surveillance. Parce que quand on voit l'arsenal qu'ils utilisent, c'est toujours pour surveiller les blancs. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on vous dit voilà, on va faire passer des nouvelles lois terroristes, ils adorent ça. Et en fait, vous découvrez que les bougnoules foutent toujours autant le boxon dans leur quartier, il n'y a aucune espèce de volonté de les contrôler, le trafic de drogue se porte relativement bien, hors période de confinement en tout cas, il y a des émeutes raciales, c'est devenu totalement, totalement banal, les agressions, j'en parle même pas. Donc tout ça, c'est du théâtre, il n'y a aucune volonté de contrôler les bougnoules. Aucune. Même le trafic de drogue, là, ce deuxième confinement, ça se passe très bien. Hein, y a pas de souci. Ah non, bon, bah voilà, comme quoi, finalement, il ne fallait pas trop s'en faire. En revanche, en ce qui concerne la surveillance des populations blanches, moi, je vois ce qui est passé avec le deuxième confinement. Vous savez que là, l'état d'urgence sanitaire a été reconduit jusqu'en avril. Vous lisez certaines parties de cet état d'urgence, du texte de loi, c'est absolument incroyable ce qu'on y trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mis en examen, par exemple, alors que ça ne vaut pas culpabilité, on peut vous foutre au trou, peu importe le motif. Alors c'est d'autant plus intéressant pour ce qui concerne le droit de la presse, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la liberté d'expression, ce que vous auriez pu dire. Normalement, on ne peut pas vous mettre en prison, etc. Mais en état d'urgence, visiblement, on peut... etc., etc. Donc, si vous voulez, moi, je pense que d'une certaine façon, exciter un petit peu comme ça de temps en temps avec ce genre... Parce que là, c'est ouvert, je veux dire, d'accord, là, c'est avec le tampon de Marlène Schiappa, qui est maintenant affectée au ministère de l'Intérieur. Elle est avec Darmanin au ministère de l'Intérieur. Quand vous la voyez comme ça soutenir Mila en disant c'est inacceptable, alors que, visiblement, cette jeune fille a décidé d'en remettre une couche très publiquement pour exciter le public musulman, là vous dites, attendez, ces gens sont en train d'essayer de faire quoi? Je crois qu'il y a des intentions cachées derrière tout ça, d'accord? Et qui n'ont rien à voir avec l'idée de stopper l'islamisation de la France, de stopper bien évidemment l'invasion islamique qui est très réelle. Je crois que ces gens-là ne sont pas du tout intéressés par ça, oui. Mais qu'ils ont des intentions et que cette histoire-là. Leur permet d'avancer des pions. Moi, je ne pense pas que Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo et de la petite Mila, ait envie de stopper la créolisation de la France. Tu vois, pas du tout. Là, je ne pense pas que ça lui passe une seconde, même quand il dort, tu vois, jamais. Tu vois, entre les deux oreilles, ça ne passe pas. Quoi. Ouais, mais c'est peut-être ça, en fait, le but inavoué de l'opération. Hein. C'est en gros de faire lâcher du lest sur la question religieuse aux musulmans, vous acceptez le blasphème, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ils veulent un islam. Mais ils veulent un islam cool, quoi. Ils veulent une sorte de Vatican II de l'islam. Ça serait le top. Un Vatican II de l'islam, alors là, ils seraient contents. Si les musulmans peuvent approuver un truc pareil, t'as l'immigration marron, t'as la destruction de la race blanche, t'as le remplacement de la population, tu fais tout ça, et en plus, c'est mathématique et ça se fait sans risque. Ça serait le top du top pour eux. Ouais, c'est un peu c'est la capote en fait. L'islam Vatican II ou l'islam réformé, c'est la capote de la République. C'est-à-dire, tu peux coucher avec sans attraper le sida en fait. Le sida du djihad, quoi. Ouais, moi je suis convaincu que la réalité des pouvoirs en Europe, hein, les pouvoirs nationaux, n'est pas de calmer l'islam. Je pense au contraire, c'est un islam intolérant, un islam agressif, un islam qui fait chier tout le monde, qui leur est le plus utile, parce que c'est le meilleur moyen de tenir leur propre population, je parle de la population blanche et européenne, chez elle, de la terroriser, de la bloquer un peu partout, de la réduire à rien du tout. Je crois que c'est ça leur but en réalité. Ils veulent installer des conflits parce que c'est divisé pour régner, hein, tout compte fait. Voilà, ouais. C'est vrai qu'il y a des réflexes de soutien, par exemple, aux flics, hein, qui sont absolument à vomir, hein, chaque fois qu'il y a un attentat islamiste. Bon, les flics qui sont les premiers à venir de faire chier les blancs, qui ont été les premiers, qui sont toujours les premiers à faire chier les blancs dans leur vie quotidienne, et dès qu'ils commencent à vouloir commencer à mettre un petit peu d'ordre dans ce qui leur sert d'espace vital. Hein, c'est... Et donc, par réflexe, dès qu'il y a des attentats ou des bougnouleries, surtout des bougnouleries, hop, soutien inconditionnel à nos forces de l'ordre. Hein, ah, c'est ça, c'est le grand slogan. Et c'est pour ça que tu as tout à fait raison. Hein, ces petits pics là d'intensité, ces petites impulsions comme des vaccins, hein, oserais-je dire, ça fonctionne très bien, hein, pour guider les gens. C'est un stimulus, quoi. Exactement. C'est ça, ouais. Mais à propos de Mila, justement, moi j'ai une petite question là, peut-être que quelque chose m'a échappé, mais que font les parents de Mila dans cette affaire? Bah, il doit y avoir de la daddy issue, hein, c'est comme on dit. Père absent. Ouais. Je sais pas, moi j'irai pas trop vite en besogne, mais à mon avis, de toute façon, si, soit elle a son père et sa mère, soit elle a sa mère. Bah, enfin, de toute façon, ils sont totalement dépassés par le truc. Hein. Enfin, c'est Diabolis qui disait que les flics sont obligés de suivre Mila partout, mais le problème de Mila, c'est que les musulmans sont partout en France. Oui, voilà, oui. Par contre, il y a un vrai, nonobstant tout ce qu'on a dit, il y a un vrai problème qu'il faut bien mesurer. C'est-à-dire, moi, je veux bien que les mecs disent, qui s'enflamment, en disant, ouais, les gars, je m'en fous, moi, de, au contraire. Je veux dire, je suis pas pour l'apaisement avec les bougnoules, moi. Je veux dire, au contraire, plus on va au clash, mieux ça vaut. Mais je suis pas pour envoyer des jeunes filles de 16 ans au front. Je trouve que c'est... C'est totalement... c'est plus back to, quoi. Donc nous, quand on prend un patriarcat assez strict, c'est pas pour se réjouir que des jeunes filles aillent servir de kamikazes. Hein. C'est pas le projet, quoi. Hein. C'est pas le projet qu'on a pour les jeunes filles. Alors après, ceux qui se disent les amis des femmes, etc., hein, qui en font des caisses sur... la sexualité débridée dans tous les sens, etc. C'est eux qui sont ses amis. Bon, pourquoi pas, hein, les féministes kamikazes. Bon, oui, mais c'est un projet de vie, ma foi, comme un autre. Ça me semble pas très sain. Faites ce que vous voulez avec ça. C'est un féminisme qui me paraît pas très crédible parce que il est dans sa cohérence, mais je veux dire, mais quand je regarde les autres féministes, le féminisme mainstream, en fait, il ne varie pas. Le féminisme mainstream, qui est une création juive, vraiment intellectuellement à tous les niveaux, qui est largement issu du XXe siècle, cette création idéologique juive. Et tourne intégralement sa haine contre l'homme blanc. Et vous remarquez à chaque fois que que les organisations féministes, que les figures de proue du féminisme en France, et pas qu'en France d'ailleurs, à chaque fois que les bougnoules sont concernées ou que des hommes marrons agressifs sont concernés, elles sont d'une discrétion et d'un silence qui force le respect. Je veux dire, là, il n'y a pas question de dénoncer je ne sais quoi. Donc... la jeune Mila est à contre-courant même. de ce soi-disant féminisme-là, qui lui a totalement acté la soif de domination patriarcale des bougnoules et des nègres. Enfin, je veux dire, ils le savent, ils le valident. D'accord ? Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je veux dire, elle n'est pas du tout au diapason du mouvement auquel on essaie de la raccrocher. Pas du tout. Elle n'aura aucun soutien de la part de ces soi-disant féministes. Alors, les mecs vont poser des questions. Ah bah, vous êtes où, les féministes, hein ? Ouais, bah, elles en ont rien à foutre. Elles continuent leur truc. Elle va se faire décapiter. Ils passeront à autre chose. Vous voyez, c'est... Bref. Oui, bah, il y a aussi ce qu'avait fait remarquer alors, Emmanuel Todd. Bon, c'est un intellectuel, il n'est pas totalement neutre. Hein, il est anglophone, enfin anglophile et puis juif aussi. Mais il est bon sur. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en 2015, il avait dit. Enfin, dans, il avait écrit un bouquin, bon, si j'ai bien compris sa thèse, c'était de dire que pendant longtemps, il y avait les catholiques en France et les gens qui étaient anti-catholiques, qui se réclamaient de la laïcité, et la laïcité était opposée aux catholiques et les catholiques contre la... Et pendant longtemps, c'était ça. Et maintenant que le catholicisme s'est effondré, que les gens vont plus à l'église, etc., il y a la question de l'islam qui se pose, et donc les immigrés qui sont musulmans et puis qui revendiquent tel ou tel droit ou qui font tel ou tel acte de délinquance, de terrorisme et autres. Et que donc il y avait des gens qui se réclamaient beaucoup français par opposition à l'islam, qui disent « moi je suis français donc je suis contre l'islam et ma seule raison d'être c'est d'être contre l'islam, c'est pour ça que je suis français ». Et de l'autre des musulmans hostiles. Alors, il y a une part de vérité là-dedans. Peut-être, mais c'est un petit peu réducteur. Moi, je vois pas mal de gens sur les réseaux sociaux se dire « moi, je suis Charlie », montrer les caricatures ou les unes de Charlie Hebdo, et puis de dire « moi, c'est la France, c'est la liberté d'expression, je suis Charlie ». La culture française se résume pas à Charlie Hebdo. Au moment de Charlie Hebdo, il y avait 30 000 personnes qui lisaient ce journal. Donc, c'est quand même pas 30 000 personnes sur 60 millions d'habitants qui caricaturaient des musulmans, d'accord, mais aussi beaucoup des bonnes sœurs, et puis qui étaient... qui se réclamait de l'humour, mais qui était surtout très vulgaire. Sœur Emmanuel, qui était caricaturée en disant ici-bas, je me touchais, au paradis, je vais sucer des bites. Enfin, c'est ce qu'ils ont écrit, les gens de Charlie Hebdo. Hein. Oui, c'est très biblique. Oui, voilà. Et en fait, de voir aussi des gens se réclamer de ça, de Charlie Hebdo, alors éventuellement aussi par ailleurs, c'est bien mis là, mais à la rigueur, c'est bon. Mais et dire ça c'est la France, bah non, je pense qu'en France on a quand même autre chose historiquement, culturellement que ce truc vulgaire. Quoi. Alors là tu touches du doigt quelque chose de très important, c'est-à-dire Charlie Hebdo en fait tout le discours de Charlie Hebdo en fait c'est une négation en fait. C'est un discours d'opposition historiquement, hein, donc on sait ce qu'ils n'aiment pas, d'accord ? Charlie Hebdo, on sait absolument ce qu'ils n'aiment pas. Par contre, ce qu'ils aiment, on est incapable de dire. C'est-à-dire, c'est typiquement des gens qui n'existent que dans la destruction et l'antithèse. D'accord ? On ne sait pas ce pourquoi ils luttent. Précisément parce que l'idée même qu'ils défendent, qui au fond est l'idée du libéralisme philosophique, hein, c'est la dissolution d'absolument tout ce qui pourrait inscrire une personne dans un collectif avec un but, d'accord ? Pour eux, c'est aliénant. Le collectif est aliénant, le groupe est aliénant, il ne peut pas y avoir de cause supérieure, il n'y a rien. Bon. Donc ces gens-là, si vous voulez, tout ce qui peut être collectif, pour eux, c'est aliénant, d'accord ? Mais ça, c'est une vision du monde qui est typiquement une vision de bourgeois de bourgeois urbain cosmopolite. Et là, je rejoins le propos de Todd, parce que là-dessus, il a quand même un peu raison. Alors lui, si vous voulez, son empathie va aux musulmans, parce que c'est un juif. D'ailleurs, tous les juifs ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais lui, en tant que juif de gauche, lui, en fait, il a cette vieille haine de la France catholique. Et lui a cru voir, dans le mouvement de Charlie Hebdo, une espèce de mutation de la France catholique blanche en espèce de France républicaine, soi-disant laïque, mais en réalité anti-musulmane. Il a loupé le coche, notre ami le juif, aveuglé par en fait sa vieille haine tribale vis-à-vis de la race blanche. Enfin bon, c'est un sémite, on peut pas changer comme ça. Surtout qu'en vieillissant, il devient de plus en plus fou. J'ai remarqué ça dans cette intervention, c'est de plus en plus décousu, on comprend à moitié rien. Mais il a quand même un point juste, c'est-à-dire qu'il dit voilà, là où il a raison, c'est-à-dire, voilà, le système politique français était fondé sur la dichotomie catholique-anticatholique. Ça, c'est absolument vrai. C'est fondamental, c'est le dernier siècle. On ne peut pas comprendre la vie politique française, on ne peut pas comprendre les différents conflits qui ont existé dans la société française si on ne comprend pas cette césure catholique contre anticatholique qui a vraiment éclaté avec la Révolution française. Là, il a totalement raison. Et cette observation est très juste, parce que comment vous faites quand un système a été conçu contre le fait religieux, en l'occurrence contre l'Église catholique, comme l'est aujourd'hui la démocratie française républicaine, et ceux qui tirent les marrons du feu, c'est-à-dire l'établissement juif, hein, voilà, avec sa bourgeoisie enjuivée, puis, et les fameuses valeurs de la République, n'est-ce pas? Comment fait-on quand il n'y a plus de catholiques? Là, ça m'amène vers Carl Schmitt. C'est-à-dire que le politique, c'est la désignation de l'ennemi. Alors l'ennemi était désigné, c'était les catholiques. Il n'y en a plus. C'est résiduel, quoi. Bon, c'est plus une force sociale. Alors comment on fait? Et là, c'est très drôle, puisque ceux qui ont encouragé l'immigration de masse, qui étaient ces mêmes établissements républicains, cosmopolites, qui ont encouragé, accompagné l'immigration de masse, se retrouvent à avoir créé sur sa gauche, avoir recréé ce fait religieux. Donc là, dans une certaine mesure, Todd a raison. Mais lui, évidemment, par son aveuglement sémitique, croit discerner là la résurgence du vichisme. Bon, alors là, non, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est la défense du statu quo. C'est la défense du statu quo par l'établissement juif, et dans une certaine mesure maçonnique, et quand je dis maçonnique, je veux dire, je fais allusion à la filiation philosophique du régime républicain, et ces gens-là sont de plus en plus angoissés. Donc dans une certaine mesure, ça c'est vrai. Mais ces gens-là s'inscrivent dans une négation, encore une fois, c'est-à-dire que pour eux, il faut dissoudre les communautés, il faut dissoudre les ensembles humains qui sont portés par une valeur déterminante, il faut les abolir, d'accord ? Et ça, c'est fondamental chez ces gens-là, d'accord ? Parce que sinon, le juif ne peut pas tirer les marrons du feu. Le juif ne se départit jamais de son appartenance tribale et raciale. Jamais. Il raisonne toujours en termes collectifs quand il agit politiquement. D'accord ? Il se pose toujours la question, est-ce que c'est bon pour nous ? Le juif se pose la question, naturellement, est-ce que c'est bon pour nous ? Est-ce que c'est bon pour nous, les juifs, ça ? Est-ce que c'est bon pour nous ? Ce qu'ils promeuvent en revanche, et ce que la République française leur a permis de promouvoir, c'est de détruire chez les autres groupes cette notion élémentaire d'instinct de conservation du groupe, d'instinct de solidarité raciale. Voilà, ça, il essaye de le détruire tout spécialement chez les Blancs. Et c'est ce qu'il fait en permanence, c'est ce que font les médias français en permanence, qui sont contrôlés par les Juifs, voilà. Alors, maintenant, il y a un problème, parce qu'ils avaient tourné tous leurs canons contre l'Église catholique pour dissoudre ce sentiment d'appartenance collective spirituelle. Bon, ça c'est liquidé. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a le facteur islamique, et on a une sociologie qui est bouleversée, avec un fort sentiment d'appartenance commun qui traverse comme ça toute la population d'origine immigrée musulmane. Et là, les Juifs ont un problème. Ils ont un vrai problème. Donc c'est pas du tout surprenant qu'ils cherchent à utiliser des goyes pour les faire monter au front et pour tenir le terrain. C'est pas du tout surprenant. Mais c'est là la perfidie du juif Todd, c'est-à-dire qu'il accable les Français de souche, parce qu'en fait il dit, voilà, le mouvement Charlie, en gros, c'est la vieille France blanche raciste qui s'exprime, quand en réalité, c'est le vieux racisme hébraïque qui s'exprime. C'est ça la perversion de Todd dans tout ça. Mais il a bien raison quand il dit, voilà, le système a besoin d'un ennemi à caractère religieux parce qu'il a été fondé là-dessus, et pour se maintenir face à l'islam, effectivement, ça devient de plus en plus important de recourir à une rhétorique anti-islamique. J'ai une petite remarque sur le sujet. Alors, tu parlais des gens qui, voilà, qui voient leur intérêt les juifs qui voient leur intérêt à soutenir telle ou telle chose, bah, ce qu'avait dit, alors je n'ai pas vérifié par moi-même, mais bon, je le crois sur parole, mais Emmanuel Ratier, qui est décédé depuis, mais au lendemain des élections de Charlie Hebdo, il avait fait ce commentaire, il avait dit un journal comme Charlie Hebdo, il y a eu Netanyahou qui est venu comme d'autres gouvernants de par le monde pour venir à la manifestation gigantesque, enfin, ou, en tout cas fortement médiatisée. Il avait dit, mais un journal comme Charlie Hebdo ne peut pas exister en Israël, parce qu'en Israël, ils ont banni on va dire, dessin, enfin, ou de type vulgaire et qui alors on dit blasphème, mais qui critique de façon primaire les religions, pas seulement les juifs d'ailleurs, mais aussi le christianisme et l'islam, parce que ils ont acquis que finalement, quand on fait ce genre de vulgarité, on va tout simplement provoquer justement le trouble à l'ordre public. Et, bon, et c'est très curieux de voir que des gens, semble-t-il, hein, c'est vrai, donc il n'existe pas de journal de ce type en Israël, ça ne peut pas exister d'après la loi. Et par contre, c'est très encouragé par les mêmes en France et dans d'autres pays. Bah, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ça, sur Bah, une dernière petite observation toute simple. Comment se fait-il que les gens au pouvoir n'ont pas conscience de tout cela, alors que des gens issus de la base populaire comme nous le sommes tous s'en rendent compte? Il faut se poser des questions. Bien évidemment. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie participative. We'll be right back. nous revoici pour cette deuxième partie de démocratie participative. Alors messieurs, je vous propose une discussion cette semaine où je vais connecter différentes informations qui nous parviennent par les grands médias, qui vont toucher à la fois au domaine financier, au domaine politique. Vous allez voir que tout se connecte, tout se précise, et ce sera donc on va parler autant de l'Europe que des États-Unis, et notamment de ce qui se passe autour de Donald Trump. Alors premièrement, cette information qui, de prime abord, comme ça, n'intéresse pas nécessairement nos auditeurs, mais qui en réalité a de grandes implications à terme. Alors voici cet article, c'est cité par 20 minutes, dont voici le titre. Euro numérique, comprendre le projet de nouvelle monnaie européenne en 7 questions. J'ai trouvé l'exercice assez convaincant, c'est-à-dire qu'on fait un tour d'horizon assez rapide de ce qu'est 7 euros numériques ou un euro digital. En fait, c'est une monnaie un petit peu comme une crypto-monnaie, sauf que c'est une monnaie gérée par la Banque Centrale Européenne. Ce lundi, la Banque Centrale Européenne a lancé une grande consultation à travers les 19 pays de la zone euro. Son but, connaître l'avis des citoyens, entre guillemets, hein, sur le futur euro numérique. Cette monnaie qui pourrait paraître d'ici 3 à 4 ans, la décision sera prise donc en janvier 2021, serait un moyen de paiement d'un genre nouveau, comparable au Bitcoin ou au système Libra de Facebook. La différence, l'euro numérique serait une monnaie officielle, ce qui implique de nombreuses questions sur son fonctionnement et sur ses enjeux. La BCE et Yamina Tadjedine, économiste à l'Université de Lorraine, et pour le laboratoire Beta, livrent leurs éclairages à 20 minutes. Première question. L'euro numérique, qu'est-ce que c'est ? La Banque Centrale Européenne définit l'euro numérique comme un billet de banque électronique qui pourrait être stocké sur une application de smartphone ou sur une carte en plastique. Il pourrait être utilisé pour les paiements du quotidien, comme pour les échanges d'argent entre particuliers, entre entreprises ou sur Internet. Ce serait alors une alternative aux espèces, cartes bancaires, chèques ou encore virements. Cela permettrait aux particuliers de stocker de l'argent hors du système bancaire. Ça, c'est très important à comprendre. Comment ça marcherait ? La question du support fait partie de la consultation auprès des citoyens. Bon, ni vous ni moi ne serons consultés, vous avez bien compris que c'est juste pour la forme. Mais la BCE semble pour le moment privilégier l'idée d'une application de smartphone, comme l'explique à 20 minutes l'une de ses représentantes. La solution n'est pas encore définie, mais ça pourrait ressembler aux applications déjà fournies par les banques privées. À la différence que ces portefeuilles numériques dépendraient de la BCE et seraient indépendants de tout autre compte bancaire. Par la voie numérique, il serait alors possible de payer sa baguette, de prêter de l'argent à un ami ou d'acheter un ordinateur sur Internet. Les transactions seraient alors quasi instantanées. Ce système serait-il sécurisé ? L'euro numérique utiliserait le système de la blockchain, réputé pour être fiable. D'autant que la BCE déclare être en mesure de sécuriser cette technologie. Pour avoir accès à ces deniers numériques, il faudrait pouvoir justifier d'une empreinte digitale. Yamina Tadjedine, économiste à l'Université de Lorraine et pour le laboratoire Beta, ne s'en inquiète pas. Même si rien n'est infalsifiable, la BCE dispose des moyens nécessaires et le coût de sécurité sera bien moindre en comparaison des moyens déployés pour les billets par exemple. La blockchain permet également de tracer toutes les transactions et de connaître tout l'historique de chaque euro numérique et donc d'en connaître le propriétaire. Ainsi, impossible de perdre son argent comme on perd un billet. Une représentante de la BCE ajoute « Ce sera beaucoup plus difficile de voler un euro numérique qu'un billet dans votre poche. En ce qui concerne les données personnelles des utilisateurs, elles seront protégées par la BCE et ne seront pas divulguées, sauf dans le cas de lutte contre la fraude ou les activités illégales, avec tout ce que ça suppose. Hein. La BCE précise, contrairement à d'autres monnaies virtuelles, les données qui seront récoltées ne seront pas commercialisées. Certes, mais elles seront en possession de la Banque Centrale Européenne. Cela signifie-t-il que toutes les transactions seraient traçables ? Oui, mais pas par tout le monde. Dans la technologie de la blockchain, toutes les données sont traçables. Mais ces données ne sont pas accessibles sans une clé de chiffrement dont ne disposera que la BCE. En utilisant l'euro numérique, les banques privées n'auront pas accès à ces données. Si l'anonymat n'est jamais garanti sur Internet, la BCE travaille sur la possibilité d'émettre des coupons disponibles jusqu'à certains seuils qui permettraient de garantir l'anonymat, comme lorsqu'on donne un billet à un commerçant. Est-ce que cela remplacerait les espèces ? Ce n'est pas le but. La BCE l'assure, l'euro numérique n'est pas là pour remplacer le cash, mais plutôt pour le compléter. En cette période de Covid-19, ce type de transaction, au même titre que le sans-contact, faciliterait grandement les échanges en évitant tout contact physique avec les pièces ou les monnaies, ou les billets. Pour le moment, la question de l'existence des espèces n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi cette monnaie numérique ? En dehors du contexte sanitaire qui incite au paiement dématérialisé, la Banque Centrale Européenne réagit surtout au développement des monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou le Libra de Facebook. Ces monnaies qui mettent en péril la souveraineté des devises officielles comme l'euro ou le dollar sont également très instables. Si les citoyens se mettaient à adopter en masse, les politiques monétaires perdraient de leur influence. Et vous allez voir que c'est très important. Pour Yamina Tadjedin, cette décision va dans le sens de l'histoire. À partir du moment où le privé se lance dans une telle initiative, il est normal que les banques centrales suivent le mouvement. La Chine, par exemple, est déjà en train d'expérimenter ce système. La lutte contre les différents trafics est également évoquée, souvent à l'origine de transferts d'argent liquide et de fausses monnaies. Il serait très difficile de mettre en œuvre à cause de la blockchain. Eh, écoutez bien, ils ont dit que ce n'est pas possible de... Non, mais... ils ne sont pas censés interdire le liquide, mais on nous dit que voilà, on ne pourra plus blanchir de pognon. Donc posez-vous deux, trois questions quand même. Quels seraient les impacts de cette monnaie virtuelle européenne sur le plan politique et économique ? L'avantage pour la BCE serait de pouvoir jouer un rôle plus important dans la politique monétaire. Si la réflexion sur ce point n'est pas avancée, la question se posera tôt ou tard. Pour Yamina Tadjedin, ces discussions seront à suivre de près. La possibilité pour la BCE d'accorder des fonds directement à des particuliers ou des organisations serait une atteinte à la souveraineté budgétaire des États membres, mais elle permettrait à la BCE d'intervenir directement sur certains secteurs, là où, quand elle accorde des crédits aux banques, celles-ci ne reversent pas tout. En revanche, la BCE pourrait appliquer des taxes ou des taux de rémunération si une crise advenait, pour éviter que tous les acteurs ne transfèrent leurs fonds sur des portefeuilles numériques et mettent en péril les banques. A l'inverse, en cas de forte inflation, des taux rémunérateurs pourraient être appliqués pour inciter les mêmes acteurs à laisser leurs fonds sur ce portefeuille. Ça peut paraître un peu technique pour nos auditeurs, en tout cas certains d'entre eux. Je vais vous résumer les intentions réelles et ensuite on en parle. Donc là, vous avez bien compris que le Covid-19, c'est miraculeux, permet de vendre un petit peu cet euro digital en nous disant « Écoutez, c'est formidable, ça va limiter les contacts physiques et comme vous le savez, on va tous mourir hein, du rhume 19 ». Donc comme on va tous mourir du rhume 19 si on se serre la main, eh bien le problème sera en partie résolu. Donc ça c'est un petit peu l'hameçon. Et on nous dit voilà, on va créer cet outil qu'est l'euro digital. Et on évoque déjà la possibilité pour la Banque Centrale Européenne de verser directement sur votre portefeuille en euros numériques un montant. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? En fait, l'idée est la suivante. Les banques européennes sont toutes, absolument toutes, insolvables. Les États européens sont tous insolvables. Et la crise systémique des dettes atteint son point culminant. Alors, la nouvelle stratégie de la Banque Centrale Européenne et des décideurs politiques européens, c'est véritablement de basculer dans le communisme, au sens strict. C'est-à-dire qu'ils veulent faire basculer tous les capitaux qui sont dans les banques aujourd'hui sur ce compte, sur cette espèce de giga-portefeuille de la BCE, grâce à l'euro digital. Donc, il n'y aura plus moyen pour les capitaux de s'enfuir, d'une. Ensuite, il est question de shorter les banques privées, d'accord ? En se disant qu'enfin, grâce à cet euro digital, les politiques keynésiennes de relance seront efficaces, d'après eux, parce que les gens recevront directement l'argent. Alors que jusqu'à présent, les banques étaient en gardaient une partie. Bien. Donc ils vont recevoir directement. Et c'est là qu'on arrive avec la question du revenu universel. Vous avez déjà entendu parler de cette théorie qui vient de l'extrême gauche. Hein. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent gratuitement aux gens. Donc ce système permettrait, si vous voulez, de faire défaut sur la dette, en gros, puisqu'on shorte les banques privées. On les shorte. On bascule les capitaux sur la BCE. La BCE manage et micromanage l'économie en envoyant directement de l'argent aux particuliers. D'accord ? Ça, c'est le programme. Mais ils ne peuvent pas le vendre, ils peuvent pas dire ça aux gens directement. Ils ne peuvent pas dire ça comme ça. Ils avancent par étapes. Donc là, on nous dit, voilà, va y avoir un euro digital, d'accord ? On dit, c'est en option, rassurez-vous, hein, le cash va rester. Oui, au début. Ensuite, on va supprimer le cash. Et puis ensuite, on va vous dire, bah, vous n'avez plus besoin vraiment de compte bancaire, de toute façon toutes les banques sont cramées, donc voilà, on va pas les renflouer, ça sert à rien. Donc finalement, allez, ouvrez votre portefeuille et on va tout mettre là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Ils sont en train de mettre en place vraiment une autorité centrale publique au niveau de la BCE pour manager l'économie comme jadis, comme dans les systèmes communistes. Ça, c'est le programme. Alors maintenant, je vous invite éventuellement à me faire part de certaines observations, ce que je voulais peut-être dire de tout ça. Ça c'est, alors normalement, la décision sera prise en janvier 2021. Ils font mine de dire, il y a des discussions, c'est pas sûr, etc. Ils en parlent, c'est un projet. Non, la décision, c'est janvier, tout de suite. Ouais, bah, si on en parle un peu trop tôt, vous allez voir, en fait, si jamais vous en parlez autour de vous, vous allez être taxé sûrement de complotiste. Et quand ça va arriver dans quelques mois, ah en fait non, vous aviez raison. Ouais. Moi j'aime beaucoup la façon dont a été présenté en fait l'article. Je ne sais pas si vous avez vu comment en fait on a vite dérapé. C'est-à-dire que on dit aux gens c'est formidable, vous pourrez payer votre baguette plus facilement. Ce qu'ils ont dit dans l'article au début, hein. Ça respecte les gestes barrières. Hein. Vous avez vu Madame Michu, grâce à nous, votre porte-monnaie sera moins lourd. Bon bref, parce que bien sûr la BCE, elle se sent très concernée par le moyen avec lequel vous payez votre baguette, hein, ça c'est bien connu. Hein. Puis d'ailleurs, de manière générale, hein, la BCE elle pense qu'au confort des citoyens, ça c'est entendu. Puis on avance, en fait on avance dans l'article, et on dérive vers les petites exceptions à la règle. Au fait, on ne vous a pas dit, mais on pourra aussi tracer toutes vos transactions, ça c'est fort. Vous taxer, hein, ça aussi c'est mentionné. Tous ceux qui font du black, là, ou des petites combines pour leurs impositions, enfin, combines légales ou pas légales d'ailleurs, hein, peu importe, bah, tout ça sera fliqué, tracé, dirigé. Et je crois que le meilleur passage de l'article, c'est, bon, tout ça c'est optionnel, hein. C'est une monnaie numérique, c'est nouveau, c'est optionnel, pour l'instant, oui. Pour le moment, oui. Alors, oui, alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est en fait, du point de vue de ces gens-là, le problème, c'est vous. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on affronte, c'est une crise de confiance. Hein. Le système est en crise de confiance. C'est-à-dire que les gens, les acteurs économiques, vous, moi, sentons, si vous voulez, que l'avenir est de plus en plus incertain. Quand l'avenir est de plus en plus incertain, qu'est-ce que vous faites ? Vous réduisez vos investissements, évidemment, vous dépensez moins. Vous n'allez pas acheter une voiture, par exemple. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous allez réduire aussi vos investissements. Bien. Pour eux, le fait que vous ayez comme ça une crise de confiance dans le système, ça ne veut pas dire que le système est en cause, bien sûr. Parce que ces gens estiment qu'ils ont raison et qu'ils font tout parfaitement. Donc, pour eux, vous êtes des salopards parce que soit vous sortez l'argent du système alors que vous ne devriez pas, donc ça c'est la fameuse lutte contre la fraude, ou alors vous épargnez, d'accord ? Et comme vous épargnez, vous ne dépensez pas. Donc, comme leur idée c'est vraiment de manager de manière autoritaire et pyramidale l'économie, quand ils font des plans de relance, ils veulent que vous dépensiez. Mais les gens, ils ne vont pas dépenser s'ils n'ont pas confiance, d'accord ? Or, ils n'ont pas confiance dans le système. Donc la réponse de ces gens, c'est de dire, bon, bah, on a une bombe nucléaire au niveau des dettes, les gens doutent face à cette bombe, on monte de plus en plus les taxes pour assurer cette dette, mais ça ne résout rien, ce qui réduit toujours plus la volonté d'investir, bien évidemment, puisque les gens sont écrasés d'impôts. Donc les mecs, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, c'est simple. On bascule dans le contrôle absolu de l'économie. Il faut qu'on sache tout sur toutes les transactions qui ont lieu. Il faut qu'on sache où le moindre euro va, où il repart, passe par qui, est-ce que le type a bien déclaré tous ses impôts, etc. Et une fois que vous serez dans un système comme ça, ce sera vraiment... Vous n'aurez plus aucune espèce de liberté d'action. Là, les mecs vont massivement augmenter les impôts. Donc vous allez vous retrouver dans un système ultra taxé, avec le revenu universel, c'est-à-dire que la banque centrale créditera vos comptes, etc. C'est ce qu'ils essayent déjà de faire, si vous regardez bien, avec le Covid, en disant, voilà, ils vous mettent tous à l'arrêt, puis ils vous payent 80% de ce que vous touchez. Dans certains pays, on leur met 80%, etc. Ouais. Ça, c'est des expérimentations, ils sont en train de tenter en temps réel ce truc-là. Pourquoi ? Parce que le système bancaire est cramé, parce que les dettes des États sont cramées, et que si ils acceptent de reconnaître que tout ce qu'ils ont promis n'est pas finançable, il y a une révolution. Bon, les révolutions, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça termine hein, pour les élites dirigeantes. Ces gens-là ne veulent même pas en entendre parler. Donc, ils basculent dans le nouveau système qui est vraiment le communisme 2.0 avec la blockchain. Ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Et le virus permet par la peur de pousser les gens vers ça. D'accord ? C'est ça que les gens ne voient pas. Les gens, ils croient que c'est une question virale, mais pas du tout. Regardez le nombre de morts, c'est dérisoire. Donc, c'est par la terreur qu'on abolit totalement le jugement des gens, qu'on leur dit, voilà, il faut faire passer ça hein, très très vite, hein, vous comprenez ? Bah, c'est... Mais non, ça suit bien une évolution concertée. Et d'ailleurs, la preuve est la suivante. Vous croyez qu'ils prennent cette décision en janvier, pourquoi ? C'est la date où le nouveau président américain doit entrer en fonction. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Biden, pour février 2021 ? Il a annoncé la mise en place d'un confinement total aux États-Unis sur le modèle européen. Vous croyez que ça a un rapport avec le virus ? C'est un plan concerté. Donc voilà, on est en plein là-dedans. Donc tout est connecté. Ce qui se passe en Amérique du Nord est connecté à ce qui se passe en Europe. Quand ils annoncent cette histoire d'euro digital en citant la Chine communiste qui est en train de le mettre en application, c'est pas un hasard. Quand ces gens-là, imaginez la BCE et les gouvernements par définition, seront au courant du mouvement du moindre euro dans toute l'Union européenne, vous imaginez le pouvoir qu'ils auront sur les gens ? C'est-à-dire que ouais, c'est une affaire pour court-circuiter le black, quoi. Le black et les banques privées. Mais si on stoppait totalement le black hein, dans les commerces, etc., il y a des régions, voire des pays, qui s'en sortiraient très mal. Hein. Ça serait des déséquilibres économiques absolument gigantesques. Je pense pas qu'ils soient encore prêts pour ça. Alors, peut-être, hein, mais des coins comme l'Italie, je pense, ou même le sud de la France avec les artisans où on a du BTP, etc. Ça serait étonnant que ça puisse passer. Quoi. Bah, ils vont le faire. Pas parce forcément que le black. Hein. Je pense que même les gens qui font de l'optimisation fiscale, même légale, c'est intéressant pour des États d'avoir accès à ce genre d'informations. Ou même juste de savoir qui achète quoi et quand. Moi, je ne sais pas, demain, Derek, j'ai accès total en lecture, juste, à tes comptes. Je sais qui tu es, qu'est-ce que tu fais, je sais tout de toi. Hein. Mais ça, ils le savent déjà. C'est pas tellement de savoir, même s'ils veulent abolir l'activité économique défiscalisée qu'on appelle traditionnellement effectivement le black, c'est-à-dire... Hors des fourches codines du fisc. Y a cette idée-là, c'est d'abord de surveiller absolument tout, de surveiller la circulation de l'argent, mais surtout de piéger les gens en les mettant dans une boîte qui est l'euro digital, avec un portefeuille alloué aux citoyens européens, qui est contrôlé par la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, on peut vous débrancher de ce système-là. S'il n'y a plus de banque privée, et c'est leur objectif, s'il n'y a plus de banque privée, et que vous êtes soudainement débranché de votre portefeuille par la Banque Centrale Européenne, vous allez mourir d'inanition. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous serez totalement dépendant de ce nouveau système soviétique. D'accord ? Vous ne pourrez plus dire non à l'État. Ce ne sera plus possible. Ce sera impossible. D'accord ? Donc, c'est ce vers quoi on va. C'est pour ça que j'insiste sur l'histoire là, du revenu de base universel là, qui est une idée de l'extrême-gauche, encore une fois. C'est ça le but, c'est-à-dire de dire, voilà, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont en Allemagne ? Pareil, j'ai vu ça dans BFM TV, mais c'est dans capital aussi.fr, et c'était des économistes allemands, entre guillemets, qui suggéraient ça, c'est-à-dire de taxer le télétravail. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, ils veulent tout taxer, de toute façon. Alors donc c'est une deuxième taxe d'habitation, en fait, on va vous taxer parce que vous êtes chez vous, en fait, hein, donc voilà. Alors, intellectuellement, le truc est absolument outrancier. C'est, imaginez qu'on taxe les gens en fonction de la distance de leur lieu de travail. Donc, c'est vers ça qu'on va. Donc, les types sont en train de nous expliquer, c'est à ça que ça revient, ils nous expliquent en fait que, en gros, l'État va taxer les gens qui restent chez eux. Mais imaginez, on pourrait l'appliquer tout de suite en disant, voilà, il y a un tel, il bosse à 5 km de chez lui. Mais c'est pas juste, parce que son voisin, lui, il bosse à 15 km. Donc, ce qu'il faut faire, c'est taxer celui qui bosse à 5 km pour donner la différence, hein, en prenant un petit truc au passage quand même, taxer la différence pour la donner à son voisin. C'est ça qu'ils veulent faire. Non, mais vous imaginez ? Donc on est vraiment en train de basculer dans le communisme pur. Vous aurez une autorité centrale qui prétend réguler, je veux dire, les rapports économiques. La bureaucratie. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils ont en tête. Comme un système comme ça ne peut pas, un système comme ça pour tenir a besoin d'une police politique extrêmement répressive. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Parce que sinon, les gens, ils se révoltent. Hein. Donc, ils ont besoin d'un système... À côté de ça, à côté de ce système-là qu'ils veulent mettre en place, vous êtes obligés d'avoir une répression extrêmement, extrêmement féroce. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui. Disons qu'il y a plusieurs choses. Il y a la digitalisation des paiements, ça, c'est pas d'hier matin. Ils pourront toujours mettre ça en avant, puisque bon, il y a 30-40 ans, on pouvait vivre sans avoir de compte bancaire, on pouvait être payé en liquide et puis faire ses achats en liquide, y compris, je crois, pour une maison, etc. Et puis après, c'est devenu obligatoire d'en avoir un. Et puis aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ce sont des gens soit qui sont en hôpital psychiatrique ou qui sont des SDF. C'est Jovanovic qui parle de ça, enfin bref. Mais autrement, donc, après, il est devenu possible de payer avec des cartes bancaires, après de payer sans contact. Ensuite, on peut payer avec son téléphone portable aussi, sans contact, avec le système Google Pay et tout ça, et ça devient, il y a un processus de digitalisation, mais la question c'est qui a accès à cette centralisation, qui c'est qui le dirige, parce qu'après il y a la question, donc vous avez de l'argent actuellement sur votre compte en banque, quand vous avez des lignes de crédit, livret A, etc., si vous alliez dans votre banque demain matin et que vous demandiez je veux mes 20 000 euros, le banquier va vous regarder un drôle d'œil, il va vous dire mais non, on ne peut pas vous les donner tout de suite. Disons qu'il y a déjà un côté, c'est pas de l'argent qu'ils ont en banque quand vous avez de l'argent, c'est un prêt que vous faites en réalité à la banque. Maintenant, donc il y a une institution centrale qui dirige. Bon, déjà pour ce qui est des banques actuellement qui sont effectivement à l'agonie. Donc il y aura sans doute une évolution importante puisque les banques, oui, sont en déficit lié à la politique des taux d'intérêt très bas, voire zéro, voire négatif. Et puis l'épargnant non plus n'est pas rémunéré par son livret A, donc ça rapporte rien d'avoir de l'argent en compte à l'épargnant. Et il y a la tentation aussi, comme tu disais, puisque l'économie et les temps économiques sont médiocres et les perspectives sont très inquiétantes, de sortir l'argent de la zone euro aussi. Alors soit d'aller vers des, pour ceux qui ont un peu de sous, de les mettre dans des monnaies émergentes de pays, on parle des pays asiatiques, moi je suis pas, c'est pas mon métier, mais enfin bon, Charles Gave et compagnie parlent de ça, de mettre son argent parce que c'est les monnaies qui monteraient alors que l'euro s'écroulerait, de même que peut-être le dollar, enfin prévoit-il, notamment si Biden est élu. Donc les monnaies de l'Ouest, de l'Occident, seraient amenées à baisser. Donc il ne faudrait pas qu'ils s'en aillent. Donc du coup, je pense que si on va encore plus loin dans cette centralisation, ils auraient un droit de regard. C'est-à-dire, ah ben non, vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé de tout garder en euros. Vous êtes obligé de les investir ici, ouais. Vous ne pouvez pas les mettre. Ils appellent ça les contrôles des capitaux. Et ça sera imposé. Et ça sera d'autant plus facile à imposer avec l'euro digital. L'euro digital, il faut comprendre, vous n'aurez plus de compte bancaire, d'accord ? Alors, ça ne se fait pas en quelques jours, hein. Mais c'est ça le projet. Donc, vous aurez un porte-monnaie, vous n'aurez plus de compte bancaire. Ça n'existera plus, pratiquement plus. Progressivement, ça sera évincé, quoi. Vous aurez votre portefeuille, ils contrôleront toute la circulation de la monnaie en Europe, depuis la Banque Centrale Européenne. Et évidemment, l'idée, c'est d'éviter, comme tu l'as très bien dit, la fuite des capitaux. Ça, c'est central, hein. C'est d'éviter que les capitaux ne quittent l'Europe. Et évidemment, après, quand vous n'aurez plus qu'un portefeuille en euros digital, et qu'il vous sera impossible de changer votre argent en dollars ou peu importe la devise, vous êtes piégé. Et c'est ça le but. Donc tu as tout à fait raison d'insister. Mais je m'inscris en faux sur pas mal de choses qui ont été dites. Parce que, bon, d'abord, quand on nous dit ce que la Banque centrale veut établir, c'est le communisme 2.0. Je vous rappelle quand même que à l'époque du communisme en Union soviétique, on n'a jamais eu autant de blacks qui circulaient. Donc, ce qu'ils veulent faire n'a absolument rien à voir. Attention, c'est pas parce que le communisme soviétique n'avait pas les moyens technologiques de le faire qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Oui, mais c'est, comment dire, ils sont jamais arrivés là. Parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que c'était impossible de surveiller la circulation de la monnaie. Or, aujourd'hui, c'est justement en ça que cette histoire d'euro digital, qui comme ça, à première vue, a l'air une espèce de gadget, comme ça, c'est beaucoup plus crucial que ça, c'est que maintenant, si tout le monde est forcé d'avoir un portefeuille en euro digital, tu ne peux plus avoir un compte bancaire privé. Il n'y a plus d'espèces. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, autre chose, un autre fait qui a été abordé, c'est que toutes les banques européennes sont en état de faillite. C'est absolument faux. Tu as dans tous les pays de l'Est des banques qui sont en positif, qui t'offrent 3,5% d'intérêt que tu peux avoir sur des comptes soit en monnaie locale, soit en euros, et ça se passe très bien. Le problème, c'est que les banques des États de l'espace Schengen sont toutes en faillite. Ça, c'est un énorme souci. Donc, c'est clair qu'il risque d'y avoir une sérieuse discussion entre les pays membres de l'espace Schengen et les pays non membres de l'espace Schengen au niveau européen quant à ce projet. Première chose. Deuxième chose... Attends, l'espace Schengen, il y a la zone euro. L'espace Schengen, c'est autre chose. Oui, mais enfin, bon, majoritairement, les pays de l'espace Schengen sont dans la zone euro. Ouais, ce qui n'est pas réciproque. D'accord, non, d'accord. Donc, les pays de la zone euro, d'accord. Donc, tu fais allusion à quel état d'Europe qui n'est pas dans la zone euro qui est en positif? Parce que, bon, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais ils ne sont pas concernés de toute façon par cette mesure. Ah ben attends, t'as des banques bulgares, t'as des banques roumaines qui sont en positif, qui n'ont aucun problème. Les taux d'intérêt sont à 3,5%. Et bon, tu peux avoir le taux soit dans la monnaie locale, alors ça c'est un risque que tu risques de prendre, soit simplement ouvert sur un compte euro, et tu auras toujours tes 3,5%. Il n'y a absolument aucun souci. Et c'est des banques, c'est pas difficile. Les ratings internationaux sont publics, donc il suffit simplement d'aller les consulter. Ouais, d'accord, mais enfin bon, le poids des banques bulgares par rapport au poids des banques allemandes ou des banques françaises, bon, tu vois... Ben, excuse-moi, le poids d'une banque allemande qui est ruinée par rapport à une petite banque de rien du tout, mais qui ne doit pas un bal à qui que ce soit, ben, comptablement, c'est établi, hein. Oui, non, mais sauf que la banque allemande, elle est au cœur du dispositif économique allemand. Donc, comme une banque... Comme une banque tchèque est au cœur du dispositif tchèque. Ouais, non, mais Deutsche Bank, par exemple, est en grande difficulté. Si on regarde le cours de l'action de Deutsche Bank, là, il s'est complètement écroulé depuis 20 ans, et c'est le cas de toutes les banques françaises. Donc ça prouve bien que ces banques sont en difficulté, après. Mais d'où l'utilité d'aller placer ses billes dans d'autres banques. Ah, mais tu ne pourras plus le faire, ça. Là, tu peux encore le faire. Attends, on n'y est pas encore, parce que là, je voulais aborder un autre sujet. Parce que ce qu'on voit ici, c'est l'idée complète et totale de la dématérialisation. Alors, je tiens quand même à vous rappeler une chose. Avant d'en arriver à la monnaie, on a dématérialisé autre chose. On a dématérialisé tout ce qui était titre. Alors, à l'époque, quand tu travaillais en banque, ça se passait comme ça. Chaque banque était dépositaire de différents titres, de différentes sociétés. Comment est-ce que ça fonctionnait? Quand venait la période juin, juillet, août, c'est-à-dire l'époque du découponnage des titres, en fait, les clients dans toutes les banques de la planète découponnaient leurs titres et allaient dans leur agence bancaire déposer le titre. Ce titre rentrait au head office de la banque, qui, via la chambre de compensation de la Banque nationale de l'État, compensait le titre auprès de la banque qui était détentrice de l'émission. À partir du moment où on a commencé à dématérialiser le système, on s'est aperçu que les banques étaient une organisation de sacrés filous, tout le monde le savait, mais là c'était évident. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple simple. Tu es au Crédit Lyonnais. Tu as des titres d'électricité de France. Tu découponnes pour électricité de France, tu vas à ton agence du Crédit Lyonnais qui, elle, s'aperçoit que, en fait, c'est la BNP Paribas qui est détentrice du titre. Eh bien, en compensation à la Banque de France, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas renvoyer directement ton coupon à la BNP. Elle va renvoyer ton coupon à toutes les banques existantes en France, qui, elles, vont prendre une commission qui est de 0,1 pour 1000 ou un truc du genre. C'est petit, mais sur la masse, ça finit très vite par faire du pognon. Et au final, cet argent revenait à la banque détentrice qui compensait, et toi, en fait, tu recevais le pognon du coupon de ton titre, moins évidemment le fait d'avoir avoiné l'intégralité du circuit bancaire. Donc quand on a dématérialisé les actions, en fait ça a permis de faire sauter toute une série de petits organismes qui se gavaient au passage. Il est clair que si demain tu as la blockchain, c'est clair qu'on va savoir exactement où se balade chaque bifton. Ça, il n'y a aucun souci. Mais toutes ces petites organisations ne pourront plus se graisser la patte. Alors, est-ce qu'on va massivement augmenter les impôts ou pas? Ça, quelque part, ni toi, ni moi, ni personne ne sommes au courant. Il est clair que les capitaux ne pourront en aucun cas se barrer comme ils se barrent aujourd'hui ou comme ils se barraient avant. Maintenant, le fait de figer complètement la traçabilité du pognon, ça va empêcher une quantité de fraude absolument extraordinaire qui, quelque part, ne va pas intéresser, soyons clairs, la Banque Centrale Européenne se torche complètement le cul de savoir que M. Dupont, plombier zingueur à Lyon, va faire une installation au black pour essayer de grappiller 1000 euros. Par contre, certaines entreprises qui se gavent joyeusement dans des transactions qui se font avec je ne sais combien de zéros derrière, là, pour elles, ça va devenir un arrêt de mort qui va être absolu. La question étant de savoir, comme c'est la banque centrale qui va déterminer, enfin qui a la traçabilité des transactions, est-ce qu'ils auront la capacité juridique derrière d'empêcher les entreprises de faire ce genre de choses, et est-ce qu'ils seront open bar pour communiquer à Bercy les fraudes potentielles? Et attention, une fois que ce sera à Bercy, est-ce que Bercy aura les couilles de poursuivre? Ça, c'est encore un autre souci. Mais quelque part, oui, effectivement, il y aura un énorme problème. On ne pourra plus te faucher ton blé, puisque tout le monde verra où va le pognon et à quoi il sert. Est-ce que nous aurons le, comment dire, les capacités juridiques de poursuivre derrière à la vitesse où effectivement s'installent les, comment dire, les autorisations, les procédures et le reste. En plus, on sera quasiment sans jurisprudence. J'aurais tendance à dire que moi, je ne le verrai pas, Fulbert non plus, et peut-être pas vous. Hein. Alors tu dis la BCE s'intéresse pas à ce que fait un plombier, etc., au black, etc. Alors la BCE peut-être pas, mais le fisc français, l'État français, oui. Oui. Hein. Oui. Donc t'en fais pas, que la Banque Centrale Européenne communiquera toutes les informations au fisc français, comme au fisc belge et à tous les fiscs de la zone euro, et que ce sera une partie du deal d'ailleurs. Ils diront d'accord, on collecte, mais vous transférez les informations qui nous intéressent. Et pour que le système marche, j'attends de voir l'application de la loi et la chierie des jurisprudences qui vont aller derrière. Oui, parce que ça foutrait un bordel trop énorme dans des régions, dans des secteurs d'activité. Vous êtes dans des pays où il n'y aura plus de restaurants pour ne pas attraper un virus imaginaire. Donc ne vous dites pas non, ils ne vont pas le faire. Je veux dire, si vous. Non, mais justement, ces restaurants-là, si l'État veut continuer à récupérer des trucs, il faudra qu'ils vivent un petit peu et qu'ils puissent faire du black. Non, il est en train de les détruire. Bon, ben, s'il les détruit. Non, mais attends, soyons clairs, Gandalf, excuse-moi, tu crées une entreprise pour faire du fric, soyons clairs. Ils ne sont pas intéressés par ces entreprises. Ça ne les intéresse pas. Oui, mais attends. Si je suis ton raisonnement, et me connaissant moi, si j'arrive dans une équation comme celle-là, je mets la clé sous la porte et je ne fous plus rien demain, ce qui quelque part ne les arrangera pas du tout. Ils s'en foutent. Eh bien alors, j'aime autant te dire qu'on va vers un chaos particulièrement sympathique, hein, parce que si l'intégralité des entreprises s'arrête, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Pas toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises vont être détruites, elles sont en train d'être détruites. C'est le véritable objectif de ces confinements. Les confinements n'ont rien à voir avec une dimension sanitaire. C'est un plan économique de restructuration radicale de l'économie en Europe et bientôt en Amérique du Nord, qui suppose notamment la destruction de ce type de commerce. Donc, ce n'est pas une conséquence. Oui, ce n'est pas une conséquence inattendue. C'est un choix, mais c'est un choix qu'ils ne peuvent pas présenter aux populations en toute franchise, frontalement, en leur disant « voilà, on va détruire vos entreprises parce qu'on a estimé que stratégiquement, c'était ce qu'il fallait faire pour éviter une révolution qui ne manquerait pas d'arriver si on fait défaut sur les dettes souveraines ou sur les dettes privées ou si on n'arrive pas à renflouer nos banques privées. » Donc en fait, ils procèdent à une euthanasie préventive et le virus est l'excuse de ce truc-là. C'est pour ça que quand on s'intéresse à la dimension purement sanitaire, on ne comprend rien, parce qu'on est là, on voit, bon, il y a quelques dizaines de milliers de morts, et on voit les mesures draconiennes qui sont adoptées, on se dit, mais je ne comprends pas, je veux dire, il y a là un fossé béant entre, je veux dire, on va, si on écoute ces gens, on va mourir guéri, quoi. Et évidemment, si on se cantonne à l'analyse purement sanitaire et médicale, on ne comprend rien. Mais si on comprend le projet de ces gens-là, et qui est en train de se développer sous nos yeux. Là, tout d'un coup, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Et dans la restructuration de l'économie qu'ils font, là, ils n'ont pas besoin de restaurants, ils n'ont pas besoin d'hôtels, ils n'ont pas besoin d'activités touristiques, ou très marginalement, tout ça n'a plus d'importance. D'accord ? Et il y a toute une série de gens maintenant, donc, qu'on invite à travailler chez eux, on leur dit, voilà, ça va être durable, etc. D'accord, tu posais la question des taxes. Je t'ai dit, il y a des économistes allemands, qui sont forcément liés à la BCE de près ou de loin, qui expliquent, et c'est relayé par la grande presse, et si on taxait les gens qui travaillaient chez eux ? Tu poses la question, est-ce que les taxes vont augmenter ? Une fois que tu es prisonnier de ce système d'euro digital, où le moindre euro est tracé, oui. Bien sûr qu'ils vont massivement augmenter les impôts, bien évidemment. D'ailleurs, les impôts, là, on est passé aux impôts à la source depuis un moment, Macron déjà, c'est-à-dire que C'est-à-dire qu'en fait, une des conséquences pratiques, certains disent, ouais, c'est bien, on n'a plus à faire notre déclaration, c'est simplifié, etc. Bon, mais en fait, si l'impôt est prélevé à la source, ça veut dire qu'on ne peut pas faire non plus la grève de l'impôt, qui était un moyen de protestation historique. Donc en réalité, là, c'est sûr que bon, l'euro numérique, bon, Delamarche, par exemple, l'économiste en a parlé, il a dit que ce n'était pas un truc, selon lui, décisif, il y a d'autres choses plus importantes, etc. Bon, il n'empêche que ça, parmi d'autres, bon, ça fait partie de la volonté de contrôle d'une élite. Alors après, c'est vrai qu'on se pose la question, soit on dit cette élite, elle veut notre bien et va nous amener quand même à un monde meilleur malgré les crises temporaires, ça c'est l'analyse que voudraient nous vendre les médias, ou alors on a des doutes concernant leur bienveillance, on se dit qu'ils ont plutôt des intentions mauvaises pour nous. Et dans ce cas-là, cette volonté de contrôle, elle est quelque chose qui peut susciter plutôt notre méfiance. Excuse-moi Alexis, mais ta grève de l'impôt, vous l'avez utilisée combien de fois ? Bah, disons que le black, par exemple, c'est une forme de grève de l'impôt, indirectement. Et ça sera plus possible. Oui, mais le black ne rentre pas dans, comment dire, dans l'imposition à la source. Non, mais disons que il y avait encore des moyens de s'opposer indirectement, pas frontalement, hein, pas au plan politique, en disant voilà, on arrête de payer l'impôt, mais disons qu'il y avait moyen de prendre des mesures contre un fisc devenu kleptocratique, disons, voilà, il y avait moyen de. Et ça, ils veulent absolument en venir à bout, radicalement. Alors imaginez ce que ce sera quand vous aurez une bureaucratie européenne qui aura le pouvoir de savoir où va le moindre euro en Europe. Imaginez. Je veux dire. Et de pouvoir le bloquer. Parce qu'ils pourront créditer les portefeuilles comme ça en disant voilà, on va lancer, ils appelleront ça des plans de relance, les savoir comment. Puis il y a aussi cette thématique là du revenu universel, revenu de base universel. Donc en fait, bon voilà. On donne de l'argent à des gens, voilà, comme ça. Bon. Mais ça veut dire aussi qu'ils pourront vous en enlever. Faut pas perdre cette vue, hein. Donc. Prélever directement l'impôt réchauffement climatique ou l'impôt coronavirus sur ce compte. Ah oui, totalement. Ouais, ou même pas. Ah, c'est clair que tes amendes pour excès de vitesse, ce sera prélevé immédiatement. Ça, il n'y a pas photo. Voilà, ça sera même fait en temps réel. Tu sais, tu seras. Mais je sais que ça, les gens peuvent être encore sceptiques, mais vous allez voir. Regardez, en un an, regardez ce qui s'est passé. En moins d'un an. Hein. Donc, mais on va arriver à un stade, si vous voulez, et ça, c'est la partie la plus triviale. Mais vous serez en voiture, vous serez flashé par un de ces radars là fixes. Vous aurez un ticket, mais vous ne recevrez pas la paperasse, etc. Votre plaque d'immatriculation sera associée à votre portefeuille, comment dirais-je, d'euro digital. La somme sera immédiatement prélevée. Vous ne serez pas rentré chez vous, vous aurez déjà votre compte négatif. Ça, c'est un exemple trivial parmi d'autres. D'accord ? C'est vers ça qu'on va, c'est vers ça qu'ils veulent aller. Alors, je suis d'accord avec vous, je le précise. Ce système est totalement fou. C'est totalement fou, hein. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont désespérés face à la situation des États et des banques privées. Ils sont absolument désespérés. Et donc, ils sont dans une logique de fuite en avant complète. Donc, c'est vrai que si on s'intéresse uniquement à la partie euro-digitale en disant, voilà, un euro-digital, les gens ne prêtent pas nécessairement attention. Mais les implications sont considérables. Alors, il y a un autre truc, c'est marrant, parce que tout ça bourgeonne soudainement, hein, ça va très très vite. Le vote par correspondance. Alors, les gens ont entendu un peu parler ces dernières semaines, sur nos auditeurs notamment, puisqu'on, avec tout ce qui se passe aux États-Unis autour de la contestation par Donald Trump des élections, en raison du vote par correspondance qui, d'après lui, est truqué. On aura l'occasion d'en reparler. Et là, on découvre qu'il y a une offensive qui a lieu à l'Assemblée nationale, qui vient de différents partis, pour le mettre en place le plus vite possible en France. C'est surprenant quand même. Alors, je vous livre cet article, là encore de 20 minutes, qui s'en fait l'écho, c'est très intéressant. La question de la réintroduction du vote par correspondance en France ne fait pas du tout consensus. Au sein même de l'exécutif et plus largement dans la majorité présidentielle, les avis divergent nettement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi répété samedi y être opposé. A l'inverse, le député et porte-parole LREM Roland Lescure s'est dit pour et demande un débat, tout comme le MoDem. Surtout, le journal du dimanche indique qu'Emmanuel Macron n'est pas fermé à cette option, selon l'Élysée. Ce sont les élus du MoDem qui ont relancé la discussion dans la majorité en vue des régionales et départementales de 2021. Le parti centriste souligne l'utilité de ce mode de vote partant de Covid-19 et prend en exemple la participation historique à la présidentielle aux États-Unis, où les électeurs ont pu voter par courrier. Mais dans un entretien publié sur le site du Parisien samedi soir, Gérald Darmanin répète y être hostile. Tant qu'on n'aura pas démontré que ce mode de vote permet l'absolue décision individuelle, sans pression communautaire ou de la part de la famille, je serai opposé à cette disposition, souligne-t-il. Il en va de la préservation du libre arbitre de chacun, longue tradition électorale de notre pays depuis l'invention de l'isoloir, insiste le ministre, qui vient des Républicains, et effectivement les Républicains y sont opposés. Ce n'est pas dénué d'arrière-pensée de leur point de vue. Ils sentent qu'ils vont être... les dindons de la farce. Hein. Le débat est toutefois loin d'être fermé. Dans un entretien accordé au JDD, Roland Lescure se dit favorable au vote par correspondance et demande d'en débattre au sein du mouvement présidentiel. J'ai vu l'impact très positif du vote par correspondance aux États-Unis. Sans ce dispositif, il n'y aurait qu'une participation de 38% avec, on passe à 67%. Insiste le parlementaire élu des Français de l'étranger dans la circonscription d'Amérique du Nord. Il faut se saisir de ce débat afin de faire des propositions au gouvernement, peut-être avec nos partenaires de la majorité, nous lancerons le travail dans les jours qui viennent, promet-il. En tant que député des Français de l'étranger, Roland Lescure a lui-même, en partie, été élu par des votes à distance. Au niveau national, cette pratique postale a disparu fin 1975, jugée à l'époque propice à de graves fraudes. Donc vous voyez que le Covid-19 permet à des idées novatrices, ou pas si novatrices dans le cas du vote par correspondance, de refaire surface, ou de faire surface. Et c'est très intéressant de voir que c'est, en fait, un macroniste élu par des gens établis aux États-Unis qui dit « Quelle formidable idée que ce vote par correspondance, mettons-le en place tout de suite, à cause du Covid-19, ça fonctionne tellement bien en Amérique !» Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, on est clairement dans le tournant autoritariste de la classe dirigeante. On en a parlé la semaine dernière de ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein, ça continue tout, c'est toujours en cours. Il y a des développements dont on va peut-être parler un petit peu plus tard. Outre-Atlantique, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une mesure qui est sécurisée. C'est même tout le contraire, et c'est tellement pas sécurisé qu'on s'en était rendu compte en France il y a une quarantaine d'années, en 1975, si ma mémoire est bonne. Donc, le fait que là, ça soit en étant en confinement, qu'il y ait des voix un petit peu discordantes qui se montrent dans l'espace public. Hein, c'est un petit peu décousu, mais bon, bref, il y a quand même. Il commence à y avoir du doute et une hypothèse comme quoi certaines personnes voudraient nous tuer, hein, pourquoi pas, même si c'est pas forcément exprimé correctement. Les gens qui sont là à décider, par exemple, quelles sont les taxes qu'on va avoir, quelle monnaie on va avoir, monnaie virtuelle, etc. Visiblement, ils n'ont pas vraiment envie qu'au niveau du vote, il puisse y avoir une incertitude. Hein, si les choses se passent par courrier, bon, bah, on sait qu'on a une marge de manœuvre pour cacher ça assez facilement. Donc c'est, ouais, c'est pas étonnant que ça vienne, comme tu l'as dit, du député des États-Unis. Et là, pour le coup, chers amis démocrates, hein, moi je ne suis pas démocrate, mais s'il y a des gens démocrates qui nous écoutent, peut-être si vous voyez des députés et autres voter ce genre de mesures, bah, commencez à faire des listes, hein, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Alors aux États-Unis, on avait abordé la question la semaine dernière sur la façon. Donc il y a eu fraude. Bon, je le dis tout de suite, il y a eu fraude. Une fraude sans précédent qui aura des conséquences majeures pour les années qui viennent. Aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis. Donc, ces gens-là sont briefés, en fait. Hein. Ils sont briefés, c'est pas comme ça une inspiration soudaine. Donc, tu l'as bien dit, en fait, l'hyperclasse, comme l'a qualifié Jacques Attali, se sentent en danger. Comme tu l'as bien dit aussi, Derek, il y a une incertitude croissante sur les résultats électoraux entre une grève de participation, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus parce qu'ils savent que ça ne sert à rien, donc ne se déplacent plus, ou alors qu'ils votent pour des partis protestataires, ce qui peut donner effectivement des déconvenues, comme avec l'élection de Trump en 2016, et là on a vu que ça a fortement déplu à cette hyperclasse. Bref, il ne faut plus de mauvaises surprises. Aux États-Unis, bon, maintenant je peux l'exposer ici, puisque j'ai suffisamment d'éléments sur la question, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, vous avez des États où il est inutile de tricher parce que l'avance de l'un ou de l'autre est trop nette. Par exemple, la Californie. La Californie est totalement acquise à la gauche démocrate, donc il est inutile. Bon, de toute façon, ils n'allaient pas tricher pour Trump. Mais bon, voilà, ce sont des États qui sont, je veux dire, définitivement acquis à un parti ou à un autre, à Trump ou bien à Biden, en l'occurrence ici. Mais ce qui a été ciblé, ce sont les États, ce qu'on appelait les swing states, les États qui sont 50-50 et où la décision va se jouer sur 0,5% ou 1% de l'électorat. L'opération a consisté à cibler ces États en question, ces États stratégiques qui allaient faire l'élection. Ça, je l'ai assez exposé la semaine dernière, mais maintenant, on n'en sait plus sur la technologie utilisée, la technologie déployée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont d'abord un système qui a été conçu par l'armée américaine, qui a été utilisé par la CIA, au départ à des fins antiterroristes. Donc là, ça nous ramène à l'utilisation du terrorisme, etc. Bon. Au départ, c'était fait pour rentrer dans des systèmes de communication fermés. Donc, ce système-là s'appelle Hammer, le marteau. Obama a été élu en 2008 président, et lors de sa première présidence, pour s'assurer la réélection, il a donné l'ordre à la CIA de donner le matériel, enfin ce système, avec des spécialistes, au Parti démocrate, qu'il a utilisé pour la première fois en Floride, pour faire basculer la Floride du côté démocrate et garantir la réélection d'Obama. Ils s'en sont ensuite servis très récemment lors des primaires démocrates. Parce que Bernie Sanders, qui représentait l'aile gauche radicale, passait devant Biden, qui est lui le candidat du système. Et ça aurait été une très mauvaise surprise, puisque en raison de... C'est un peu le Mélenchon, si vous voulez, américain. Parce que Sanders garantissait la réélection de Trump sans aucune difficulté. Donc il fallait absolument pas que Sanders puisse gagner les primaires démocrates. Donc on l'a éliminé grâce à ce système. Alors, et enfin, on l'a utilisé lors des élections dans ces états cruciaux. Alors, le système Hammer rentre dans les systèmes sécurisés, notamment les systèmes qui calculent, qui agrègent les résultats électoraux et les transfèrent au gouvernement central américain, au gouvernement fédéral. Donc il rentre dans le système. Une fois rentré dans le système, il y glisse un logiciel qui permet de manipuler les résultats. En sachant qu'en plus, il y a de la manipulation au niveau local aussi. Hein. grâce aux machines électroniques qui sont les machines Dominion dont j'ai parlé aussi, je ne vais pas y revenir. Donc vous pouvez tricher aux deux entrées, si vous voulez. Donc ils rentrent dans le système, ils intègrent un exploit, ils manipulent les résultats en temps réel pour obtenir les résultats recherchés. Bien. Alors ça, ils l'ont fait. Et maintenant, et s'ils l'ont fait, c'est pour faire gagner Biden à tout prix. Et je vous l'ai dit, en février 2021, il a déjà annoncé. Hein. Premier truc que je fais, dès que je suis à la Maison Blanche, enfin c'est pas lui qui le dit, c'est ses équipes. Hein. Confinement total de l'Amérique du Nord. Et donc on bascule dans le système que j'ai décrit. Donc le coup d'État est en place, si vous voulez. Mais c'est pas tout. Il faut qu'en Europe, ça marche aussi. Or, il y a des échéances électorales à venir, notamment en 2021 et en 2022, en Allemagne et en France, et dans d'autres pays. Et il s'agit de déployer le plus vite possible ce système-là, parce que comment ça fonctionne ? Vous savez que les équipes électorales en France vont aux États-Unis se faire former, et vice-versa, ils sont formés par le Parti démocrate, etc. C'est ce qu'on appelle l'international socialiste. Si vous déployez un système comme ça, il faut former des gens du renseignement à faire ce genre de truc. D'accord ? Ça nécessite des gens qui soient des professionnels. Bref, ça se fait pas comme ça. Donc, ce que dit le mec de La République En Marche, des États-Unis, qui est évidemment en lien avec ces gens-là, c'est qu'il faut s'y prendre très tôt pour déployer le système en vue de 2022. Alors, sur quel volume du scrutin il triche ? Alors, aux États-Unis, il ne manipule pas 100% du corps électoral. C'est pour ça que la triche est efficace. Vous n'avez pas besoin d'intervenir pour donner 10% d'avance à Biden pour le faire gagner. Dans les zones critiques, vous jouez sur environ 3% du corps électoral. C'est sur ce petit segment-là que vous faites basculer l'élection. Donc en fait, c'est pratiquement invisible si vous n'y prêtez pas attention. Ce qui s'est passé dans le cas de Trump, c'est que Trump avait une telle avance le soir du scrutin, que ça les a étonnés, et il a fallu qu'ils arrêtent de compter pendant la nuit pour injecter des nouveaux résultats, corriger en temps réel ce qui se passait pour avoir le résultat attendu le lendemain matin. D'accord ? Donc ils ont été surpris, ils ont été pris de court, et c'est là que ça a commencé à bugger, c'est là que les autres se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose, etc., et que les équipes de Trump sont maintenant en train de remonter tout le fil. Donc ils vont déployer ça en France. Faut pas rêver. Et ils vont déployer ça en Allemagne. Et partout ailleurs. Partout où ça sera possible. Là où il n'y aura pas de résistance, quoi. Alors, une fois que ce système est déployé, une fois que le système de vote par correspondance est déployé, c'est terminé. C'est fini. Donc, il y aura des trucs qui ressembleront à des élections. Voilà, vous recevrez des bulletins chez vous. Ok, est-ce que vous votez pour un truc ? Voilà. Des gens voteront pas. Ils voteront pour ce qu'ils voudront, pour Marine Le Pen, des trucs. Voilà. Mais le résultat des élections terminera toujours selon les décisions prises par l'hyperclasse. Toujours. Donc une fois que c'est déployé, c'est fini. C'est pour ça que ce qui se passe aux États-Unis actuellement est absolument crucial, aussi pour l'Europe. Donc, et vous avez vu le prétexte, hein, Covid-19, vous avez bien compris, quoi. Donc Eurodigital Covid-19, scrutin de Covid-19. Darmanin s'y oppose, parce que je pense qu'il a bien compris ce qui est en train de se passer, et il se dit que ça va pas tourner à l'avantage, peut-être d'amis politiques à lui, etc. Bon, mais l'arbitrage aura lieu à un autre niveau, pas au niveau de Darmanin, hein. Loin s'en faut. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point précis c'est de la guerre électronique, hein. Ce sont des outils de guerre électronique développés par l'armée américaine au départ. Hein. On parle de ça. Hein. Maintenant, ils déploient, comment dirais-je, des outils de cyberguerre contre les populations. Ouais, électronique, et puis même, enfin, c'est aussi artisanal, parce que bon, les types, ils vont piquer les bulletins de vote directement dans les sacs de la poste. Bon, les mecs qui livrent à la poste, c'est les mêmes qui te livrent le Uber Eats ou le Deliveroo. C'est-à-dire, ouais. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui commandent là-dessus, mais vous savez que c'est des bougnoules des nègres. Et parfois, ça leur prend quand ils voient, par exemple, ils voient un nom ou un thème bien blanc. C'est ces gens-là, ils ouvrent la bouffe et puis ils crachent dedans. Tu vois. Non, mais c'est. Alors, vous avez, si vous êtes. si vous êtes bien blanc et que vous avez, vous commandez là-dessus, il est fort probable que vous ayez échangé des fluides avec des maghrébins ou des nègres. Hein. Bon, c'est, faites ce que vous voulez avec ça, mais bon, c'est comme ça. Et là, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, c'est la prime donnée d'une part à l'État islamique et d'autre part à la pouillerie communiste. Hein, parce que aux États-Unis, c'est ça qui est la même. Quoi. Dans les États cruciaux qui sont impliqués, notamment. C'est les nègres. Dans le Michigan, à Détroit, notamment, il y a tout. Qui c'est qui fait les dépouillements? Vous avez qu'à regarder. C'est des nègres. Donc maintenant, on a des témoignages, hein, parce que les équipes de Trump travaillent d'arrache-pied. Il y a énormément de témoignages. Donc maintenant, on sait comment ça marche. Les types ont reçu un entraînement pendant des semaines avant le scrutin. On leur a dit, voilà, parce que c'est des nègres quand même. Ils sont pas très, très malins. Donc il a fallu leur faire répéter, voilà, les bulletins, ils arrivent ici, les bulletins, ils arrivent là, les bulletins Trump, vous les mettez ici, les bulletins, vous allez recevoir des bulletins là, il faut les cocher dans tel et tel, etc. Bref, je ne vais pas revenir, on avait parlé abondamment de ça. Je peux simplement préciser une chose, c'est que Trump a purgé le Pentagone, il est en train d'éliminer toutes les têtes qui se trouvent au Pentagone, il a mis des gens tout à fait intéressants là-dessus, on pourra peut-être en parler hein, un petit peu après. Mais ils ont organisé un raid, c'est confirmé depuis, hein. Ils ont organisé un raid en Allemagne. Ce qu'ils ont réussi à identifier, ils ont découvert, enfin, le système Dominion dont j'ai parlé, le système de machines de vote électronique, n'est pas censé être connecté à Internet. En revanche, tous les résultats des élections étaient transférés en temps réel en Allemagne via Barcelone. Par une entreprise qui faisait de la sous-traitance pour Dominion, qui est gérée, je le rappelle, dont le logiciel de fonctionnement est créé par Smartmatic, qui est une boîte contrôlée par un professionnel de la manipulation des résultats électoraux, proche de, qui s'appelle Brown, qui est proche de Soros. Hein, c'est un de ses bras droits, il appartient à sa fondation Open Society. Les résultats atterrissaient tous en Allemagne sur des serveurs à Francfort. Les Américains l'ont su. L'armée américaine s'est rendue sur place, a copié tous les serveurs, toutes les données, pour les besoins de l'enquête. Ça a été nié par cette entreprise qui s'appelle Skytel. Ils ont dit non, on n'a pas de présence à Francfort. Pas de bol pour eux. Il y a eu un check sur la base Ouiz. Et on a vu... On a vu tous leurs serveurs qui étaient présents à Francfort. Donc les types ont fait un communiqué mensonger pour se couvrir, confirmant bien évidemment que le raid avait bien eu lieu et qu'ils avaient copié toutes les informations. Donc ce système-là, il est déployé aux États-Unis actuellement pour faire ce qui est un véritable coup d'État. Coup d'État qui est censé être suivi une fois qu'il y aurait Biden à la Maison-Blanche d'une révolution identique à celle qu'on a décrite et qui est en train d'être préparée au niveau de la Banque Centrale Européenne notamment. Donc voilà, faut bien, une fois qu'on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on comprend ce qui est en train de se dérouler. D'accord ? Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose sur ce que j'ai dit ou même, Mais si tu permets, en fait, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que les États-Unis, la France, sont dans une gabegie électorale absolument fabuleuse, et je parle sous le contrôle de Fulbert. Je m'explique. Aux États-Unis, les Américains ont pu voter à domicile, c'est-à-dire mettre leur bulletin de vote dans une première enveloppe, dans une seconde enveloppe, et déposer ça dans une boîte de collecte, où tout ça s'est retrouvé au décompte électronique dans des salles de décompte. Moi, je vais prendre le système belge. Chaque citoyen belge a une carte d'identité. Sur cette carte d'identité se trouve un chipset électronique, comme une carte de crédit en fait, et on reçoit un lecteur de carte. L'idée du vote électronique à la Belge, il est très simple, c'est tu es chez toi, tu te connectes au centre de vote via la petite boîte et ton ordinateur. Et en fait, tu votes depuis ton bureau. C'est-à-dire que la capacité de piper les dés en matière électronique est encore plus simple, puisque là, il suffira simplement de piper les dés au niveau des serveurs. Tandis que en France, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, on en est encore. Alors, on a des salles de vote électronique, c'est-à-dire que tu vas gentiment cocher avec un crayon laser la personne pour qui tu veux voter, ou effectivement, tu vas gentiment déposer dans une urne le vote qui sera lu quelques semaines plus tard. Moi, ce qui me tue, c'est de voir des États qui sont censés être à la pointe de la technologie utiliser encore des moyens qui sont mais quasiment de l'époque des cavernes. Alors, je veux revenir brièvement sur la purge du Pentagone. Alors, c'est lié, vous avez vu que c'est l'armée américaine qui est intervenue pour copier les serveurs en Allemagne. Et il y a du nettoyage par Trump qui est fait maintenant au Pentagone, ministère de la Défense. Alors, pourquoi je cite ça? C'est parce qu'en fait, là, maintenant, Trump a vraiment été mis dans un corner, quoi. Parce qu'il est acculé. Il sait très bien que s'il quitte la Maison-Blanche, ils vont tout faire à lui et à sa famille. Enfin, c'est garanti. Là, c'est une lutte à vie, à la vie et à la mort. Hein. Donc, c'est quitte au double. Donc, son attitude a quand même considérablement changé, parce que depuis 4 ans, en fait, il avait adopté une attitude très attentiste. En essayant, sur les conseils de son entourage d'ailleurs, en essayant de montrer que il voulait pas brusquer les choses nécessairement, pas nécessairement s'en prendre à l'état profond, frontalement et tout. Mais alors là, maintenant, vu qu'ils ont recouru à la fraude pour voler carrément l'élection, ce qui est un scandale sans précédent aux États-Unis, avec des conséquences qui sont très lourdes pour la suite. C'est-à-dire l'éclatement, en fait, de l'Union, hein, tout simplement. Là, il frappe, et il tape dur. Alors, il a commencé, évidemment, par l'armée. Officiellement, il est censé quitter la Maison-Blanche dans moins de deux mois et demi. Bon, bah, vous allez voir qu'il y a du remue-ménage. Alors, le nouveau chef par intérim du président Trump au Pentagone fait appel à un conseiller principal, donc il a nommé un nouveau chef et il lui a associé un adjoint, signe que l'administration veut accélérer le retrait des troupes américaines du Moyen-Orient avant la fin de sa présidence en janvier, ont déclaré à Axios 3 personnes bien informées de cette décision. Un haut fonctionnaire de l'administration affirme que la vague de renvoi au Pentagone et l'embauche du colonel en retraite Douglas McGregor est en partie un règlement de compte personnel de Trump, mais de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche ont également déclaré clairement qu'ils veulent qu'il parle plus publiquement de la possibilité de sortir d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. Monsieur Trump, qui s'est présenté en 2016 sur la promesse de ramener les troupes américaines au pays, est frustré par la lenteur du retrait des troupes du Moyen-Orient, a déclaré un autre responsable de l'administration. Le président a déclaré à de nombreuses reprises à ses conseillers qu'il souhaitait que les troupes rentrent d'Afghanistan avant Noël. Le président a déclaré à de nombreuses reprises, dans une interview accordée en 2019 à Tucker Carlson de la Fox, M. McGregor a déclaré qu'il conseillerait au président de quitter l'Afghanistan dès que possible, notamment en retirant l'ambassade américaine de Kaboul, et qu'il était inutile de parler aux talibans. Donc en fait, McGregor veut un retrait immédiat, sans discussion, sans négociation, le départ pur et simple. McGregor a également déclaré que les États-Unis doivent retirer leurs troupes de Syrie immédiatement et que l'Amérique n'a aucun intérêt national là-bas. Alors ça doit inquiéter des gens dans un petit État voisin. Il a déclaré « Nous devons écouter très attentivement les Iraniens, découvrir quels sont leurs intérêts et chercher des domaines où nous pouvons coopérer ». Et il a aussi dit que les États-Unis doivent remettre le contrôle opérationnel de la péninsule coréenne militairement au président Moon et aux Sud-Coréens. Le Pentagone, dans une déclaration à Axios, a confirmé que McGregor a été engagé comme conseiller principal du secrétaire à la défense par intérim Christophe Miller. Il a déclaré que il a notamment dit que les décennies d'expérience militaire de McGregor seront utilisées pour aider à la mise en œuvre continue des priorités de sécurité nationale du président. Depuis que Joe Biden est devenu président élu, Trump, ce qui n'est pas encore, hein, je précise, c'est faux, Trump a refusé de concéder la course, mais il a aussi rapidement agi cette semaine pour licencier des hauts fonctionnaires à la direction civile du Pentagone. Cela inclut Mark Esper, ainsi que l'ancien chef du cabinet du secrétaire à la Défense et d'autres hauts fonctionnaires en charge du renseignement et de la politique. Il les remplace par ceux qui sont perçus comme lui étant loyaux. McGregor, un vétéran décoré au combat, est un fidèle de Trump et un commentateur régulier de Fox News. Il est connu pour sa remise en question du leadership et des décisions de l'armée conventionnelle, notamment en ce qui concerne les stratégies en Irak et en Afghanistan, ainsi que pour sa rhétorique extrême, je cite, hein, sur les musulmans et les immigrés sans papier. Il a été écarté au début de l'année pour le poste de responsable de politique au Pentagone, suite à des informations selon lesquelles Esper aurait eu des inquiétudes à son sujet. Donc Esper était un traître, en fait. Il a été viré. McGregor a été annoncé au cours de l'été comme le choix de Trump pour être ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Il a critiqué l'Union européenne et l'Allemagne pour être trop accueillants envers les envahisseurs musulmans. McGregor a plaidé pour la loi martiale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et, selon les reportages de CNN, a préconisé l'utilisation de la force létale pour dissuader l'immigration clandestine. Dans un billet de blog de 2016, il a également écrit « Une fois qu'il sera clair que les Centra-Américains et les Mexicains et les autres clandestins ne survivront pas à une tentative d'entrée aux États-Unis et qu'ils auront de la chance s'ils sont refoulés plutôt que tués dans la tentative de violer les frontières souveraines des États-Unis, le flux diminuera considérablement. » Alors, parmi les autres conseillers qui ont été nommés, il y a eu des déclarations tout à fait intéressantes sur l'Allemagne nationale socialiste et le rôle détestable que joue Israël dans la politique américaine, comme quoi tout est un peu plus nuancé que ce qu'il n'y paraît. Hein. Alors, donc là, c'est l'affrontement direct. Hein. Il n'y a pas d'autres discussions possibles sur le sujet. Il y a eu un rassemblement pro-Trump à Washington. Il y a eu pas mal de monde. Il y a eu pas mal de monde à venir. Et les antifas ont été lâchés sur la foule, évidemment. Il y a eu des gens qui ont été blessés. Alors, le truc est extraordinaire. Donc, Trump a attaqué les antifas frontalement en les traitant de déchets humains d'extrême gauche, en retweetant des vidéos d'agressions d'antifa sur ses supporters, avec Twitter qui censure très agressivement tout ce qu'il poste. C'est de la folie furieuse. Mais, hein, tous les posts de Trump sur Twitter sont tous remis en cause par Twitter en disant que c'est de la désinformation, etc. C'est ahurissant ce qui est en train de se passer. Enfin, sur Facebook aussi, sur Facebook, c'est mis à chaque fois Joe Biden est le président légitimement élu, etc. Quoi. Ouais, et lui, ils ont rétrograté Trump, qui est toujours président en fonction, je veux dire. Il est candidat politique maintenant. Mais j'ai vu que c'était sorti cette semaine dans les médias, mais je l'ai constaté il y a déjà une semaine. D'accord, ouais, bah voilà. Ouais. Il y a une semaine, donc quand Biden s'est proclamé, quand les médias américains, CNN, l'ont proclamé. Non, mais je crois que même avant l'élection, les deux étaient mis comme candidats politiques. Oui, il faut attendre que les grands électeurs décident de cela, de qui sera le président, ou alors si jamais le président a reconnu sa défaite. Et le Figaro, là j'ai vu, ils ont dit le président Donald Trump reconnaît sa défaite. Non. Et il a dit, Trump, lui, qu'il était encore aujourd'hui, là, qu'il était toujours le président et que les démarches étaient en cours et qu'ils allaient gagner parce qu'il y avait la fraude était massive, etc. Tout à fait. Vas-y, Fulbert, je t'en prie. Oui, je voulais dire qu'en plus, il existe quelque chose que moi j'ignorais totalement, c'est que pour qu'un président, dans un cas pareil, reconnaisse qu'il a perdu, il existe une façon de le reconnaître, et ça s'appelle le discours de concession, où l'ancien président, ou le président perdant, concède que l'adversaire l'a emporté. Et c'est apparemment une procédure normale. Bon, or, le Figaro, je crois que tu as cité, ne peut pas annoncer que Trump a baissé les bras sans qu'il ait prononcé ce discours de concession. Donc Trump a ses loyalistes. Et donc, ils ont les preuves matérielles. Bon, ça, c'est une chose. Mais ensuite, c'est l'arme nucléaire. Parce que ça implique que le système Hammer dont j'ai parlé, qui est militaire, a été transmis au Parti démocrate. Donc, ça veut dire de la trahison, etc. Ça, c'est l'arme nucléaire, c'est l'option nucléaire, c'est ce qui se réserve. Mais l'avocate de Flynn, qui s'appelle Sidney Powell, on en a parlé la semaine dernière, a fait comprendre, elle l'a cité, que ils sont au courant et ils ont des éléments matériels. Mais ce n'est pas le premier angle d'attaque. Le premier angle d'attaque qu'ils ont, c'est l'angle d'attaque légal, purement formelle dans chacun des États en demandant tout simplement un recompte des voix pour vérifier si les bulletins qui sont là ont bien été signés comme il fallait dans les temps, etc. Bien. Donc, pour l'instant, ils sont vraiment, ils utilisent les recours traditionnels, on va dire. Là où ça va, parce que ça va, l'affaire va nécessairement remonter à la Cour suprême, en fait. Donc, en Géorgie, ils ont fait un recompte, par exemple, sauf que, bien que dirigé par le Parti républicain, le responsable républicain de cet État, en fait, refuse d'organiser un véritable recompte en vérifiant les signatures. Donc, en fait, ils vont recompter les mêmes bulletins dans les mêmes circonstances. Donc, Trump est en train de protester contre ça en disant que là, il y a du sabotage de la part d'un républicain, ce qui est vrai, parce qu'il y a des traîtres dans tous les sens. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur la Pennsylvanie, puisqu'ils ont accepté, je crois, environ pratiquement 700 000 bulletins qui sont invalides. Ils n'auraient pas dû les accepter, ils les ont acceptés, ce qui donne la Pennsylvanie à Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour invalider ces bulletins, il faut qu'il y ait une décision de justice qui soit prise sur la date de validité. Donc la décision va remonter à la Cour suprême. Il va y avoir un arbitrage de la Cour suprême. Et c'est là que ça va devenir décisif. C'est-à-dire que la décision qui sera prise aura des conséquences considérables, puisque peu importe qui, peu importe ce que dira la Cour suprême, en fait, que ce soit qu'elle tranche en faveur de Trump ou qu'elle tranche en faveur de Biden, aucun des deux camps ne va l'accepter. Donc on va, de toute façon, on s'achemine, si vous voulez, vers une situation où il y aura aux États-Unis deux présidents. D'accord ? Et la question va dire qui est le président légal, qui est le président légitime, vous voyez, cette question va être traitée comme ça. Mais même si Trump y parvient, c'est-à-dire que si Trump y parvient à se faire légalement élire, ça ne changera rien. Il sera toujours à la Maison-Blanche, mais ils déclencheraient des violences comme on n'aura jamais vu. À défaut de pouvoir utiliser la Maison-Blanche pour mettre en place le confinement partout, ils le mettront dans tous les États démocrates, etc. Enfin, on va vers le chaos. On va vers le cas, parce que les autres jouent leur peau aussi. Parce que maintenant que Trump est en mesure de prouver qu'il y a eu trahison, que la CIA est impliquée, que le FBI est impliqué, que le Parti démocrate a eu accès à des outils militaires pour truquer l'élection, etc. Là, les répercussions sont énormes. D'accord ? C'est pas juste un petit scandale. Là, ça fait trembler tout l'État américain. Donc... Dans ces circonstances-là, les autres n'ont aucune raison de céder, ni même de faire semblant d'admettre que légalement Trump a raison. Ils diront simplement la Cour suprême, ils ont été achetés, ils ont, voilà. Ils diront ça comme ça. Rodolphe Giuliani, qui est très mobilisé, là, il y a une vidéo notamment qui est traduite en français par RT France, là, une vidéo d'il y a quelques jours. Il a énormément de billes, hein, c'est sûr, hein, parce que 700 000 voix truquées, parce qu'à un moment donné, au cours de l'élection, quand on suivait ça en direct, Trump avait 700 000 voix d'avance sur la Pennsylvanie, c'est-à-dire c'est quand même important. Puis la Pennsylvanie, c'est 20 électeurs, c'est-à-dire que celui qui gagne la Pennsylvanie aura de très fortes chances de gagner finalement, du moins sur le plan légal. Donc ça c'est important. Mais bon, après sur les affrontements, il faut voir si les affrontements, je pense qu'il y en aura, mais ça dure dans le temps, puisque finalement il y a 4 ans, on nous avait décrit Trump comme un dictateur, etc. Bon. Finalement, les Américains au quotidien, même ceux qui sont pas favorables à Trump, sont quand même bien obligés de remarquer qu'ils ont conservé leur liberté sous Donald Trump, à part évidemment le coronavirus, mais le confinement n'était pas la volonté au départ de Trump, c'était quelque chose qu'il a dû faire sous la pression, etc. Quasiment tous les électeurs de Donald Trump, tous les électeurs républicains, ont compris que l'élection avait été truquée. Quoi, hein, donc... Il n'y a plus de consensus démocratique, il n'y a plus... Voilà. C'est explosif ce qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais j'ai vu un jeune homme un petit peu... comment dire... qui était... énergisé, on va dire, qui a repris mot pour mot un discours d'Adolf Hitler. Ah oui, j'ai aperçu ça brièvement, ouais. Aux États-Unis, et puis, frères et sœurs, machin. Son discours était applaudi. Hein, vous voyez qu'il a dû dire un truc du genre quand la race blanche est unie, vous voyez ce qu'on peut faire, un truc comme ça. Vous voyez ce qu'on peut faire, et puis. Il faut se détourner des mensonges juifs à la fin. Et puis, la foule a ouais, ça applaudit quoi. C'est ouais, bon, c'était ouais. Improvisé. C'était comme ça au hasard, mais c'est passé voilà comme dans du beurre. C'est passé hein, crème. Bon, c'est pour vous dire la situation. Et même avant, enfin, ce jeune homme avait parlé, mais avec tout ce qui, enfin, le conditionnement depuis quelques années là, les boomers, etc., QAnon, avant que le jeune y parle, hein, il y en avait qui parlaient de ça hein, dans les meetings. C'est-à-dire que c'est très répandu. Dans certaines portions de la population américaine. Donc, on a des gens qui sont fanatisés. Ouais. Chose que nous n'avons pas forcément en France. Nous avons des gens qui sont des glands mous, qui, quand on se fait décapiter, la République, les valeurs de la République, si tu veux. Bon, alors, cette semaine, c'est extraordinaire. Dans les médias, nous avons vu des femmes blanches, députées La République En Marche, députées, je sais pas, communistes, socialistes, faire des choses, et voilà, il faut réagir, il faut expulser 25 mecs qui sont super radicalisés, voilà, parce qu'on n'en veut plus. Mais quand on commence à te parler de remettre ce qui était en place dans la première moitié des années 90, c'est-à-dire qu'un étranger qui est condamné à quoi que ce soit en France, ben on le vire. Alors, non, mais là, l'état de droit, attention, il y a des traités internationaux, on peut pas faire ça comme ça, etc., etc. Donc, on est dans un système qui est totalement sclérosé, nous, en France. On ne peut pas bouger un orteil. Hein. Quand vous voyez Moussa Darmanin qui est là, vous agitez ces 200 djihadistes là comme une guirlande de Noël. C'est rien, c'est que dalle. Hein, c'est pas 200 djihadistes qui vont changer l'état de la société française, qui vont faire que quand vous sortez dans la rue, vous allez respirer, vous n'allez pas respirer du fumé de crottin de nègre. Hein. Ça ne changera absolument rien. Mais tu as des putains là, qui sont là à discuter, qui s'engueulent. Hein. Ah oui, mais non, mais moi, je veux en virer 50 qui sont très méchants. L'autre dit non, il faut virer ces 50 très méchants. Et puis, il y en a 150 autres qui sont méchants aussi, mais il faut les virer. Tu vois. On en est à cet autisme au niveau de la définition du problème qui fait qu'il y a... Les Américains qui sont dans leur radicalisation à refuser l'élection de Donald Trump, même si les raisons ne sont pas forcément bonnes, le QAnon, etc., c'est pas forcément fondé du début à la fin. Mais nous, on a des secrétaires de merde qui se battent sur des cas particuliers. En croyant être utile. Ouais, c'est très grave. C'est très grave. Parce que je ne vois pas le semblant d'une réaction à aucun endroit que ce soit. C'est-à-dire, bon, Marine Le Pen, dès qu'on commence à parler de l'islam, elle commence à penser Mayotte. Elle a récemment pris un truc de formation pour s'occuper des chats, j'ai vu. Oui, c'est très... oui, c'est pas bon. Voilà, une formation diplômante, une qualification professionnelle. Ouais. Diplôme de femme à chat. Voilà, pour la psychologie des miaou. Bon, c'est pas avec ça qu'on va commencer à parler des problèmes. Trump, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il arrive à mobiliser ses troupes, et même dans des situations où il n'est pas forcément à son avantage, il arrive à retourner la situation. Nous, on a des... Entre les homosexuels, hein, parce que bon, y a ça aussi, hein, qui ont juste peur de se faire jeter par le dessus des toits, et les gonzesses absolument indigentes qui donnent leur avis puis qui viennent elles se pâment, c'est-à-dire que C'est des, ce sont des créatures qui se complaisent dans les textes de loi. C'est-à-dire qu'elles apprennent les textes comme, comme à l'école, en étant première de la classe, elles apprennent par cœur. Et sorties de leur texte à la con, pondu par on ne sait qui, on ne sait qui étant en général quelqu'un qui a des attaches du côté du Jourdain, eh bien, elles ont une arrogance qui doit susciter la réprobation de notre part et une bonne paire de gifles à minima. Moi, je voudrais bien rappeler quelque chose à propos de M. Trump. Pour ceux qui nous écoutent, bien entendu, c'est que, rappelez-vous, lorsque Trump se présente à la primaire du Parti républicain, donc pour espérer être candidat à la présidence, il y arrive. Réaction d'une partie du Parti républicain, c'est dire, voilà, Trump, c'est un amateur, c'est pas un pro, il n'est pas des nôtres, c'est un homme d'affaires, il va se faire couillonner, il ne mérite pas d'être candidat pour la présidentielle. Et Trump va les mettre au pas, à l'époque. Il les met au pas, il reste candidat à la présidence, et lorsque cette candidature se met en place, personne, tout le monde s'en souvient, ne lui donne aucune chance d'arriver. 98% vont dire certains médias, jusqu'à 98% de possibilités d'élection pour, comme disait Time sur sa couverture, Madame President, hein, mais Trump n'a que 2%, il n'a aucune chance. Et Trump passe. Alors je vais vous dire un truc, c'est une impression personnelle. Donald Trump, ce ne sont pas les républicains qui le suivent, ce sont les Trumpistes. C'est-à-dire, je crois que les gens qui le suivent ont débordé du cadre de l'électorat républicain. Et il est probable qu'il y a des gens maintenant qui n'allaient pas voter habituellement aux États-Unis et qui vont maintenant voter. Ça, c'est un. Ensuite, j'ai vu, malheureusement, je n'ai plus son identité en tête, mais c'est soit un procureur général d'un État ou carrément le gouverneur. Il y a un personnage aussi important que cela, qui est un démocrate qui vient de se retourner et qui a fait une grosse déclaration favorable à Trump. Je pense que Trump, dans la situation que nous connaissons et que Gandalf a bien décrite, Gandalf et d'autres, je pense que Trump, c'est aux États-Unis quelqu'un qui a pris la place de celui que beaucoup d'entre nous attendent. Je pense que Donald Trump aux États-Unis, c'est l'homme providentiel. Et les journaux, les médias européens et américains font tout pour que cela ne soit pas évident aux observateurs, nous. Oui, bien sûr. Ça il correspond totalement à une demande américaine, c'est-à-dire que Trump incarne une réalité dans la population américaine, c'est ça. Faut pas s'éterniser sur sa personnalité, etc. Tout ça est même très secondaire, hein, je veux dire. Mais il y a une identification des masses à Trump, c'est évident. C'est évident. Et bah, il arrive à communiquer. Il donne ce que les gens attendent, à mon avis. C'est-à-dire que on a des gens qui allaient de déception en déception avec. Faut quand même se rappeler double élection d'Obama. Quoi, hein. Obama qui est. C'est un nègre, d'accord, mais c'est un nègre qui, quand il y avait les attentats islamistes chez nous, là, en France, oui. Il refusait de dire que c'était des attentats islamistes, le truc. Ouais. À côté d'Obama, Macron est un dirigeant ultranationaliste. Hein. Faut quand même se rendre compte de ce que c'est cette engeance, quoi. Et ce que ça peut être Biden et ce qu'il y a derrière avec Kamala Harris. Mais voilà. Donc de Obama, il y a Trump qui est arrivé qui a un petit peu libéré ces gens-là. Et ces gens ont besoin, je pense, d'espoir et quand on leur présente. une situation où ils sont où ils sont mis en défaut par des forces injustes, ça leur parle. Donc c'est pour ça que ce que leur dit Donald Trump en ce moment, quoi qu'il en soit, ça va fanatiser des millions de personnes, oui. Et ça va faire que l'Amérique ne va pas pouvoir être dirigée. C'est-à-dire que si Trump avait reconnu une défaite, reconnu la triche, etc., c'était aplati, les gens derrière se seraient ramollis. Ils auraient dit, putain, ouais. Ah, merde, on a encore perdu. Là, tu as quelqu'un qui est au front, qui est devant, qui dit, allez vous faire enculer, j'ai gagné, je vous emmerde. Voilà. Ouais. Et les autres, ils ont triché. Et ça c'est vraiment fantastique, et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça fanatise des millions de personnes derrière. Et quoi qu'il arrive, hein, ça va laisser une trace, et il y aura une impulsion, il y aura une inertie de cette population-là fanatisée sur l'avancée de l'Amérique et du monde par conséquent. Ouais, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Totalement d'accord. Vous avez pas. Vous connaissez Fauci, Alexis, toi tu le connais. Oui. Ouais. Il a dit récemment, à propos justement de la possibilité, mais bon, quasiment actée, hein, de mettre en place un confinement total en Amérique. Il a fait une déclaration cette semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fauci, c'est le docteur qui s'occupe les questions du Covid à la Maison Blanche, qu'on a plus ou moins imposé à Trump, que Trump a pas viré, etc. Il est proche de Bill Gates. Je fais partie. Monsieur Santé des États-Unis depuis 5 décennies quasiment. Et chapeau voilà. De la FDA. D'accord. Ça. Donc c'est un bureaucrate totalement lié justement à cette oligarchie que Trump a dans les pattes. Et il a dit, alors, jusqu'à présent, on n'a pas pu le faire à cause de l'esprit trop indépendant des Américains. C'est-à-dire qu'en France, oui, en France, paradis du communisme, on adore l'égalité, n'est-ce pas, hein ? Donc on le voit tous les jours. Et aux États-Unis, il y a quand même l'esprit de la liberté. C'est beaucoup plus la liberté qui prévaut. Et en fait, ils n'arrivent pas à dompter les Américains. Et Fauci l'a dit. Il dit, mais maintenant, avec Biden, le fantoche, hein, lui, on le met sur une chaise, le papy, et puis voilà. Tu peux l'appeler l'usurpateur. L'usurpateur, tout à fait. Maintenant, vous allez obéir. Voilà. Ça a été dit comme ça. Donc, l'offensive, elle est nette, hein, elle est claire. C'est une offensive qui n'est pas contre Trump, c'est uniquement parce que c'est Trump. Et c'est pas uniquement pour la Maison-Blanche. C'est une offensive générale contre les fondements même de l'Amérique et même l'esprit américain originel, c'est-à-dire l'esprit des pionniers blancs qui ont fondé l'Amérique et qui partaient dans le Far West avec une Bible et un flingue. C'est cet esprit-là qu'ils veulent détruire. Définitivement. Pour y imposer le communisme 2.0, là. Voilà, c'est ça, on y est, voilà. Donc, et y a un truc sur leur route, c'est Trump. Et bien sûr, c'est 72 millions d'électeurs. Donc voilà, et la situation est explosive. Parce que imaginons que Biden l'emporte, imaginons, pour les besoins de la démonstration, que légalement, bon, par une espèce de une rabbinerie quelconque, ils parviennent à faire entrer l'usurpateur à la Maison Blanche, et qu'ils décrètent effectivement ce soi-disant confinement total pour détruire les parts de l'économie qu'ils veulent détruire. Les 72 millions d'électeurs de Trump, ils vont dire non. Trump, il va dire non. Il va agir comme s'il était le président, le seul président. Il va dire hors de question d'obéir à ce confinement stupide, etc. Et les mecs ne suivront pas. Il y aura une révolte générale. Donc la plus grande révolte qui risque d'arriver face au confinement, c'est des États-Unis qui risque d'arriver. Ce qui va foutre encore plus la chiasse aux élites dirigeantes en Europe, qui vont dire, les gars, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis là ? Il est hors de question qu'on laisse la population ici voter. Hein. On va tous se faire foutre dehors, pas possible, hein. Hors de question. Hein. Donc ce qui va accélérer ce mouvement-là de contrôle des élections. Donc on est pris dans une spirale, là. et dont l'impulsion vient des États-Unis, incontestablement, mais on part dans quelque chose, moi, pour moi, on ne va pas en sortir. Hein. Enfin, on ne va pas en sortir, je veux dire. Il y aura des développements, il y aura des coups inattendus, etc. Mais c'est sûr qu'on ne va plus sortir, on ne va pas s'extraire de ça. Je veux dire, ceux qui pensaient que voilà, on fait encore un petit confinement et puis tout ça est terminé. Non. Les gens vont progressivement comprendre que ça n'a rien à voir avec un virus, que le projet il est complètement différent, hein, parce que le communisme 2.0, comme je dis. Ils vont progressivement en prendre la mesure. En revanche, et ça j'en suis absolument convaincu, si les populations se révoltent trop, au-delà de ce qu'ils peuvent encaisser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il est évident qu'ils recourront à de l'armement biologique, c'est-à-dire à un nouveau virus qui sera plus mortel. Ça, j'en suis absolument sûr. Autant celui-là, c'est une grosse grippe, autant la prochaine fois, ils vont dire, bon les gars, là, il y a trop d'opposition, il faut vraiment qu'on foute la trouille aux gens. Il faut qu'il y ait des morts. Il faut... Je fais le lien avec le documentaire Hold Up, d'une certaine manière. Ah oui, tiens, c'est bien, on n'en a pas parlé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pas du documentaire en lui-même, mais de l'hystérie qui génère dans les classes dirigeantes. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots? Oui, le documentaire Hold Up, sous-titre Hold Up sur les libertés, donc c'est-à-dire que la thèse centrale, c'est que les libertés ont été fortement réduites suite à l'histoire du coronavirus pour l'Europe, pas seulement pour les États-Unis, etc. Donc il y a plusieurs intervenants, je fais court, hein, mais il y a le docteur Perron, il y a Douste Blasi, donc il y a Toubiana, donc il y a des gens qu'on peut voir sur des plateaux télé, mais qui en général ont un regard critique. Il y a des youtubeurs à succès comme Sylvano Trotta, par exemple. Il y a des gens comme Professeur Fortillon et Luc Montagnier aussi qui apparaissent, qui ont des idées très précises sur la création du virus par l'homme. Mais le documentaire ne tranche pas de façon définitive pour dire ils ont raison, etc. Donc il y a aussi une allusion un petit peu à la 5G. Mais donc c'est des propos, on va dire, de bon sens. En général, c'est quand même des gens qui ont un CV quand même bien établi, qui sont des gens sensés. Mais c'est pour montrer à quel point les populations ont été terrorisées et à quel point les libertés sont réduites. Je crois que c'est les deux thèses fondamentales du documentaire. Bon. Et ça, ce documentaire qui fait 2h40 environ, a été censuré de YouTube et a été censuré des autres plateformes connues, etc. Ce qui fait qu'on peut le trouver, mais sur d'autres plateformes. Bon. Alors, les dirigeants en parlent d'une certaine manière, mais tout en critiquant. Mais c'est vrai que ce succès a été fulgurant. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il y a eu énormément de vues. Je ne sais pas exactement combien, mais ça a été un sujet véritablement fulgurant. Et un truc qui a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, avec un financement participatif aussi. Oui, c'est des mots qui dérangent beaucoup. Tu vois, tu disais combien de personnes ont été touchées. Alors, j'ai vu que Tristan Mendès, faussement appelé France, dont on parle tant dans l'émission, est un spécialiste, c'est un commissaire politique du système, d'origine juive, dont le job consiste en fait à empêcher l'opposition de se former, notamment sur les réseaux sociaux. Donc il prend son téléphone, il dit à Twitter, à Facebook, faut faire sauter ça. C'est ce qui se passe tout de suite. Hein. Et il parlait de Facebook, il dit, mais c'est désastreux, parce que sur Facebook, ce documentaire a potentiellement pu être vu, a touché 6 millions de personnes. 6 millions. 6 millions. Ah, c'est magique ça. 6 millions de personnes. Alors, ils se déchaînent. Et alors, j'ai vu une intervenante sur CNews qui était très remontée. C'était une députée La République En Marche qui était très très remontée. J'ai oublié son nom. Une blonde, une blonde en surpoids. Oui, Sicurel, je crois, ou un truc comme ça, Sicarel, je sais plus. Et Ilena Sicurel. Sicurel, voilà. Ilena Sicurel. Et en fait, qui descend de la famille Mendès, c'est une cousine de Tristan. Ah bon? Et oui, d'origine juive. Et elle était sur ce plateau très remontée, accusant CNews de... Elle a qualifié ce documentaire de bombe atomique complotiste. Voilà, donc ils sont tous en train de se... Donc toute la juiverie est en train de se chier dessus. C'était comme les documentaires sur le 11 septembre. C'est-à-dire que, vous voyez, dès que des mecs ont commencé à poser des questions sur le 11 septembre, avant même de parler d'Israël ou je ne sais quoi, juste en disant, mais attendez, l'histoire est quand même bizarre. Si on pouvait quand même se poser trois questions. On l'a vu tout d'un coup, tous les juifs sortent de voix. Pourquoi vous posez des questions? Vous êtes antisémite? Et là, c'est... D'ailleurs, et là, sur ce documentaire, il y a ça aussi. Bah oui, la même chose. Les gens qui ont fait le documentaire étaient antisémites. En réalité, c'est un amas d'immondices. Ah, quand même, oui. Non, j'ai aucune... C'est vrai. Je l'ai d'autant moins qu'il y a un bon relent d'antisémitisme dans ce film. Exactement. J'invite les journalistes ou les gens qui font les études à regarder sur les gens cités qui sont responsables, qui sont les mauvais, qui sont ceux qui veulent tuer l'humanité, qui veulent faire cet holocauste dont parle cet illuminé qu'on vient d'entendre. Eh bien, cette élite-là, regardez les noms, il y a 80% de gens qui sont des personnalités juives. Donc il y a tout. Il y a tout, on est voilà. Donc c'est pas un tantinet, c'est aussi stupide de dire ça que dire que le film Le Juif Sus était un tantinet antisémite ou un tantinet nazi. C'était des immondices, c'est un cloaque. Et c'est d'autant plus embêtant que ces immondices se répandent de façon séparée depuis des mois sur les réseaux sociaux. Alors là, il y a un montage, ça dure 2h40, c'est un objet que peut-être vous présenterez à vos étudiants, mais c'est très embêtant de voir la façon dont c'est reçu, parce que c'est cru, les gens le croient, de plus en plus. Pour l'admirer, je leur montre la propagande de Daesh. Comme un contre-exemple. Et de la propagande stalinienne. Ceux qui le regardent et ceux qui le tweetent et ceux qui l'encouragent, ils le prennent au pied de la lettre, et ça, c'est très ennuyeux. Voilà, il est pas question des juifs. Oui, totalement, ça parle pas des juifs. Mais dit oui, mais toutes les personnes qui sont montrées dans le documentaire qui jouent un rôle influent, etc., sont juives, donc c'est antisémite. Non, c'est la réalité qui est antisémite, c'est pas le documentaire. Le documentaire se contente simplement de citer les noms des gens qui sont en poste, en fonction et qui agissent. Voilà, s'ils sont tous juifs, c'est pas de la faute du documentaire. Voilà. Alors, c'est extraordinaire de voir tous ces juifs en panique. Ils sont pris la main dans le sac. Ça c'est extraordinaire. Et alors, là, donc, la députée juive donc à l'ERM, elle était extrêmement agressive, quoi. Donc, alors ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'empêcher la diffusion, autant que faire se peut, quoi. Ils ont essayé de le faire tomber, ils ont essayé de foutre en l'air son financement, comme tu l'as dit, participatif. Ils aiment pas trop quand les gens y participent. Hein. Les goïms, ils ne doivent pas participer normalement. Et voilà, quoi. Donc, ça c'est très révélateur, très très révélateur. Oui, pour préciser un petit peu, il y a le. En fait, pour donner du corps à ce documentaire, donc il y a les interventions des personnes, c'est des entretiens, donc là je pense que ces gens n'ont pas été payés pour ça. Mais par contre, il faut des extraits de Canal+, de TF1, de trucs pour montrer les médias ont fait ça. Et là, il faut payer, ils ont montré ça, donc il faut payer les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, apparemment, ils sont proportionnels au nombre de visionnages. Donc plus ça a été vu, et plus la facture va être salée pour celui qui fait le documentaire, si j'ai bien compris. Voilà. Donc visionnez-le, faites-le visionner. Alors je dis pas qu'il est parfait, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer, mais il a l'avantage de parler à un public lambda. Donc il est accessible et il génère un questionnement, c'est-à-dire il génère une prise de distance critique chez bon nombre de normies qui sont là, des bulots qui d'habitude avalent tout sans poser de questions, et là... Il est bien fait, il permet à des gens de se poser des questions. Vous avez vu que Raoult, dont par ailleurs, personnellement, je suis pas spécialement fan, je veux dire, et je bois pas, enfin, je considère pas que tout ce qu'il dit est parole d'évangile, hein, je sais pas ce que je dis, mais vous avez vu que l'Ordre des médecins a reçu consigne du pouvoir de le traîner en procédure pour le sanctionner. Charlatanisme, voilà, c'est ça. Accusé de charlatanisme. C'est le charlatanisme. C'est vrai que susceptible d'être nommé, en tout cas pour le prix Nobel, quelqu'un de reconnu dans son domaine, hein, l'infectiologie, bon, alors c'est un lieu de débat, etc., bon, très bien, mais le gars, c'est du charlatanisme, alors que, bon, enfin, bref, c'est un mec reconnu, quoi. Et je crois que Sanofi a reçu l'ordre de ne plus le fournir, en chloroquine, justement. Je rentre pas dans le débat, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, etc., parce qu'on avait eu notre docteur Goebbels, hein, vous savez, qui était intervenu, qui nous avait expliqué le point de vue de ça. Donc je rentre pas là-dedans, et puis bon, je suis totalement passé à côté du débat sur la chloroquine. Voilà. Bon, voilà, les gens en pensent. Il en est question un petit peu dans le documentaire avec Douste Blasi, alors qui lui, apparemment, il n'aurait pas vu le documentaire dans son intégralité, mais il a quand même été interrogé dedans. Et donc, apparemment, il se serait désolidarisé. Mais dans le documentaire, il dit bien, bah, la chloroquine, c'est un médicament, donc ça a créé un débat incroyable en France, mais ce qu'il fallait voir, c'était est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui en ont pris dans le monde, et Raoult l'utilisait, semble-t-il, avec beaucoup de succès, donc pourquoi n'a-t-on pas fait ça? C'est bien la preuve qu'il y avait d'autres intérêts d'ordre financier, avec les laboratoires, etc., qui ne voulaient pas de ce médicament, mais qui en voulaient d'autres, beaucoup plus chers, et évidemment ce vaccin ensuite. Alors bon, donc je dis bien, hein, je suis étranger au débat sur la chloroquine, bon, j'y connais rien, donc j'ai pas d'avis. Et je suis pas nécessairement un fan du tout de Raoult. Enfin, c'est pas un personnage qui me paraît antipathique, mais je veux dire, c'est bon, je vous pas un culte nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a offert pendant pratiquement un an une autre narration, une distance critique par rapport au discours officiel. Rappelez-vous que ceux qui veulent le traîner maintenant devant l'ordre des médecins, donc le gouvernement en gros, hein, bon, c'est les gens qui expliquaient qu'il ne fallait pas porter de masque au mois de mars, rappelez-vous, quand ils n'en avaient pas un, ils disaient « ça ne sert à rien le masque ». Bon, maintenant il faut que tout le monde en ait un, je veux dire, bon, c'est les mêmes gens, je veux dire, ce sont les mêmes incapables, parce qu'en fait ils reçoivent les ordres. Le gouvernement, il applique, c'est simplement une courroie de transmission, hein, le gouvernement. Il ne fait qu'appliquer les ordres décidés à très haut niveau par cette oligarchie internationale, cette hyperclasse. Voilà, donc ils appliquent, donc les consignes sont contradictoires, etc. Alors maintenant, il faut absolument purger ce type, parce que Raoult, en fait, touche des millions de gens. Et il a un point de vue critique. Et il n'est pas possible d'avoir un point de vue critique. Dans le système qu'il veut mettre en place, il n'est pas possible d'avoir un point de vue critique. Il n'est pas possible de dire, voilà, j'ai des doutes. Non. De la même façon que face sur la question de l'Holocauste, il n'est pas possible d'avoir un doute. Il est interdit par la loi d'avoir des doutes sur la question de l'Holocauste. Vous ne pouvez pas dire en public, j'ai un doute sur l'Holocauste. C'est interdit. Je ne parle même pas de nier. Hein. Je veux dire, non, ça n'a pas existé. Le fait de dire, j'ai des doutes, est interdit en France. Bon. Ce qui est vrai sur l'Holocauste, ça va être la même chose sur tout ce qui nous intéresse maintenant avec ces histoires de pandémie, pour l'instant imaginaire, mais qui risque de devenir réelle si le système ne parvient pas aussi facilement qu'il le voudrait à atteindre ses objectifs. Je pense qu'il aura recours à des virus qui, pour le coup, seront vraiment beaucoup plus mortels. Et puis, je ne parle même pas du climat. Et quand on voit ce qu'ils font... Parce que maintenant, sur YouTube, dès que vous avez une vidéo qui est trop critique sur le Covid-19, maintenant, ça saute sur YouTube. Bon, bah, le soi-disant réchauffement climatique d'origine humaine, ça sera la même chose. Hein. Ça sera interdit, hein, vous ne pourrez pas en douter. Il y a hors de question de questionner la validité de cette thèse. Ça sera plus impossible. Oui, bah Google... YouTube est une filiale de Google. Google a investi aussi dans les vaccins. Quand vous tapez sur Google effets secondaires des vaccins, vous n'avez rien. Alors qu'en réalité, quand vous regardez un petit peu, vous avez des personnalités quand même de haut niveau qui ont émis certaines critiques, pas forcément contre tous les vaccins du monde, mais contre certains aspects des vaccins liés aux adjuvants, notamment, on en a déjà parlé. Donc en fait, Google, de façon volontaire, masque une partie de la réalité du débat, en fait. Hein. Et là, et nos gouvernants font exactement la même chose. Hein. Ils masquent, ils empêchent le débat, donc ça les gêne pas de nous abreuver directement ou indirectement de spectacles enfin, presque porno, comment dire, enfin, des choses comme Koh-Lanta, enfin, des choses assez stupides, en réalité, qui abêtissent le peuple. Mais quand il y a un documentaire, bon, on va pas approuver tout ce qui a été dit dans le documentaire, mais c'est le lieu d'un débat, argument contre argument, etc. Et ben là, surtout pas. Bah, du coup, on n'est plus Charlie, alors c'est bizarre, quand même, non? Tu vois? Juste la semaine, la semaine avec le Bataclan, tout ça, ouais, on est Charlie, ouais, non, pas tellement en fait, tu vois. C'est... On est pour la liberté d'expression, mais quand on n'est pas trop en difficulté. Ouais, c'est ça. On va se séparer là-dessus, hein, sur cette réflexion-là, justement, sur ce moment de dissonance cognitive-là, quand ils ont fait les commémorations pour la tuerie du Bataclan, en nous remettant encore une fois le slogan « Je suis Charlie », que la même semaine, en fait, ils ont essayé de supprimer... un documentaire qui se contentait de simplement de poser des questions en fait hein, sur tout ce qu'ils étaient en train de trafiquer. Donc bon, voilà. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.